Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Justine Renaud nous dira ce qu'est un Fibonacci dans sa chronique Justine Pertine. Et Jimmy Thibodeau, bien, il déboulonnera les mythes de la gauche dans Gauche à RBV. Fibonacci! Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 23 janvier 2018. On est à 94 jour. La fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Antonia Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Rappelez-vous, situé sur le campus de l'UQTR, la seule école ouverte en Mauricie présentement. Pour vrai, ça fait beaucoup trop longtemps que je suis assez fou. Je me rappelle pas d'une journée où l'UQTR était fermé à cause de la neige. Ça écoute, me dit rien. Je me rappelle d'une journée où on est arrivé ici, il n'y avait pas d'électricité nulle part sur le campus. Mais techniquement, c'était l'électricité, la cause. C'est ça, exactement. Présentement, en tout cas, les nouvelles qui se passent, c'est toutes les écoles, la commission secondaire, scolaire. Cégep. Exactement. Cégep. Il y a les DEP, en fait, les centres professionnels qui sont ouverts. Et l'UQTR. Et voilà. Moi, j'ai entendu la règle que si la STTR, les autobus, fonctionnent, l'UQTR reste ouverte. Et c'est le cas, j'ai pu prendre l'autobus ce matin. Si on regarde ça comme ça, à Montréal, on a fermé l'UQAM. Ouais. On est pas par précaution là-bas, on veut pas tuer personne. Mais je pense que l'UQTR est tellement genre... ils veulent tellement rester ouverts que s'il y avait un tireur fou sur le campus, ils diraient « Faites attention aux tireurs fous, mais tu sais, vous pouvez Troisième guerre mondiale, tout explose, on serait quand même ouverts à l'UQTR. Oh, ouais. Mais regardez la page Facebook, apparemment, s'il y a des nouvelles, ça va être là-dessus que ça va se passer. Apparemment, le site de l'UQTR.ca, je ne passe pas grand-chose de nouveau là-dessus. Non plus. La page Facebook, donc. Ouais. Okay. Sinon, allez sur Spotted UQTR. Ouais, quelqu'un va finir par poster ça. C'est sûr. D'après moi, on est pris ici pour la journée. Je pense que oui. Ça va être de partir d'ici qui va être difficile. Exactement. Vous allez peut-être rester pris dans le stationnement parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ce matin, il y a rien de déneigé. C'est là que t'aimerais ça avoir un gars qui a des traction aids, hein? En effet, juste me stationner dans le stationnement ce matin, je suis restée prise parce qu'il y a rien de déneigé et il y a des voitures qui sont restées ici durant la nuit. C'est vrai. Bonne chance. C'était à vous. Le joke, une bière et le show d'humour hier soir, hein? Les gens ont bu fort. Hein? Exactement. Moi, ben comme j'ai dit tantôt, je suis en autobus et à pied et sachez que le boulevard des Forges et le boulevard des Collets, les trottoirs sont non existants. La plupart des places. Faites attention à ça. Il faut marcher dans la rue et faire des petits bonjours aux voitures qui te trouvent un petit peu cadre dans la rue. Mais gars, Puis il faut comprendre aussi, hier, sur le site internet de la ville de Trois-Rivières, la permission de stationner dans les rues était ouverte pour tous. Probablement que vous allez devoir déneiger, par contre, tout le tour de votre voiture ce matin. Et j'ai vu que les charrues passent autour des voitures, donc il y a plein de spots qui sont pas vraiment déneigés. Exactement. C'est charmant. Hey, bon matin! Bonjour! Vite histoire de culture! Ça va? mais on a quand même des chroniqueurs pour vous et c'est confirmé, Justine Renaud va venir nous voir peut-être un petit peu en retard. Par contre, d'après moi, passé 8h15, on devrait avoir Justine Renaud pour sa chronique Justine Pertine. Normalement, Dominique, notre Mavungu, devrait être avec nous aussi à 8h30 pour sa chronique Voix d'Afrique. À 9h, Gauche à RBV avec Jimmy Thibodeau. J'imagine que si je regarde la météo comme elle est en ce moment, ça commence. Là. Oui. En ce moment, c'est rien. Là. C'est ça, c'est pas grand-chose. Un petit peu de grisou, c'est ça. C'est juste dérangeant pour les lunettes. Il a neigé pas mal hier soir. J'ai observé le taux de neige qu'il y avait sur mon balcon ce matin. Il a quand même neigé pas mal. Mais non, je pense que ça s'en vient. Ouais. On n'a rien vu. Les possibilités de neige ont descendu un petit peu. C'est dans 60% en ce moment. Ça va monter à 80 vers 11h, 90 vers midi. Donc... portez attention à ça. Bon, eh bien, restez devant Météo Média aujourd'hui, tu sais. Hein? Au moins, on est quand même relativement bien côté température. Oui, ça, je dois l'avouer, il fait pas trop froid. Ouais. Il vente quand même, mais... ça se passe bien. Bref, autour de nos chroniqueurs, on a aussi ta chronique qui s'en vient, Thalia Esgalan-Tutinia. Qu'est-ce que tu nous prépares pour plus tard? Est-ce que tu parles de froid encore, non? Non, mais Mathieu, je pense que j'ai pas terminé ma lancée santé de la semaine dernière. Mais c'est bon, on a besoin de ça, la santé. Exactement, mais on va parler un petit peu de la santé en 2018. À quoi ça va ressembler? On fait quoi? Comment? Avec qui? On va essayer de démystifier tout ça. Pas de pourquoi, par contre. Peut-être pourquoi aussi. Peut-être, si ça vous intéresse. Donc, c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, on va commencer comme toujours avec son foutu palmarès. Hier, on a parlé de météo. Mm-hmm. Ça aurait pu être aujourd'hui, ça aussi. Hein? Mais non, là, on va parler de votre lendemain de veille après le « Une joke, une bière » dans quelques instants. Mais avant ça, comme on prédit la fermeture de tout et l'apocalypse en cette journée du mardi matin, voici « La fin du monde » de Philippe Braque à Assemblage Requis. Philippe Braque avec la pièce La fin du monde. C'est pas mal ce qui se passe. Pas mal ça. On choisit des pièces appropriées des fois. Exactement. Maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique qu'on est amené sur un sujet plus ou moins précis. Hier, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé de météo. Ça a été particulièrement approprié aujourd'hui. Mais ce qui est approprié aussi aujourd'hui, c'est le lendemain de veille que certains vivent à cause du carnaval étudiant. Oui. C'était le joke, une bière hier et le show d'humour avec Maxime Martin, entre autres. Donc, aujourd'hui, petite thématique, bar. Oh, bar! On commence avec les secrets des bartenders. D'accord. Si vous passez assez tard dans les bars, là, vous avez peut-être vu que la personne qui fait les drinks derrière le bar est plus que seulement un livre de recettes. Oui, c'est rempli de secrets et de personnalités, ces gens-là. Souvent. Des experts de la saveur, mais aussi de la patience, de la conversation. Hein. Donc, le site Mental Floss, notre préféré, a parlé à 3 bartenders, donc des serveurs, ou peu importe comment vous appelez ça dans un bar, qui nous révèlent quelques petits secrets. Commençons par le fait qu'ils savent sur quoi dépenser leur argent. Donc, un bartender basé en Californie, Dan Harry, suggère donc qu'il faut considérer donc la recette d'un drink avant de le commander, étant donné le prix de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, si tu fais pas attention. Donc, si tu bois un... ben c'est ça, dans le fond, ça dépend de l'alcool qu'il y a dedans. Bref. On dit que les whisky, les tequilas, entre autres, valent l'argent qu'on paye pour, apparemment, pour la saveur, c'est ce qu'il dit. La qualité des spiritueux monte assez rapidement. La différence entre la bonne qualité d'alcool et de la mauvaise dans ces alcools-là, c'est très remarquable, disent-ils. Ensuite, on nous dit qu'on fait attention pour garder l'esprit bien ouvert. Donc, on dit que le client a toujours raison, mais lorsqu'ils n'ont pas raison, tu vas pas l'entendre de la bouche d'un serveur, non? Ouais. On dit qu'on ne juge pas basé sur les commandes. C'est ça. On dit qu'on peut boire donc n'importe quoi, ce que l'on veut, et on n'a pas à juger les clients. Donc, ils font de leur mieux, oui, pour mettre leur préférence de côté lorsqu'ils arrivent derrière le bar. OK, c'est pas vrai. Ils vous jugent, c'est juste qu'ils n'ont pas le droit de le dire. C'est ça. S'ils veulent du type à la fin. C'est ça, exactement. C'est ça, donc on essaie de donner... C'est probablement un sujet de conversation derrière le bar entre eux. Surtout qu'ils ont moins bu, donc ils sont encore lucides. Exactement. Donc, probablement parler de toi plus longtemps un peu, Bref. Si quelqu'un commande quelque chose qu'il ne trouve pas très bon au goût, les serveurs, ils vont s'assurer de vous faire la meilleure version possible de ce drink-là. Mais ça se peut qu'ils envoient leurs yeux par l'arrière, comme un genre de grand... Avec certaines commandes, donc des exceptions à la précédente règle. Quelqu'un qui arrive et qui commande Long Island Iced Tea, apparemment que ça fait sortir les jugements. Mélanger ces saveurs-là ensemble, ça va faire un gros dégât, disent-ils. Quelque chose de dégueulasse. Pourtant, ça a l'air bon. C'est quand même bon. C'est quoi la recette déjà? C'est juste, j'ai pas bu ça depuis que je devais avoir 18 ans, mettons. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment un mélange d'alcool à fait, en fait du Long Island ici, puis après ça, tu mets du thé glacé. Ouais, pas mal ça. Ouais. C'est très, très fort. Ça a l'air. Ouais. Ça a l'air à ça. Ça leur dérange pas de créer quelque chose de spécial juste pour toi. Les bartenders qu'ils ont reçus en entrevue ont dit que créer des drinks personnalisés pour les clients, c'est une des choses qu'ils préfèrent dans leur travail. C'est ça. Donc, c'est des fois, par contre, ils sont tellement pris derrière le bar que c'est pas le bon moment pour demander un drink personnalisé. Donc, il faut faire attention à son timing, apparemment. Même si, bon, dans ce cas-là, c'est pas vraiment le problème du client, c'est le problème du serveur. Si tu veux quelque chose de différent, il faut quand même accepter les questions du bartender qui va te demander, dans le fond, qu'est-ce que tu veux. Si tu veux être plus aventurier, sortir de ta zone de confort ou quelque chose de confortable, ça dépend des gens. C'est correct, nous dit-on ensuite, de demander à ton bartender de réessayer, normalement. Si tu n'aimes pas tant le drink qu'il t'a fait, c'est correct d'en demander un autre. Donc, les clients ont toujours droit à une deuxième chance, disent-ils. Ils détestent voir quelqu'un boire quelque chose qu'ils aiment pas, ça paraît dans leur face. Donc, ça s'applique apparemment aux bartenders qui ont, j'imagine, envie de le faire. Peut-être ceux qui n'ont pas envie de le faire, ils le feront pas. Ouais, c'est ça. J'imagine. Des fois, quand ils vont commander quelque chose d'expérimental, les clients, ben, les bartenders vont essayer de les convaincre de prendre autre chose. prendre un classique. Ça prend un café, hein? Oui. N'importe qui peut inventer son propre breuvage signature, nous dit-on. Si vous êtes un débutant, on suggère d'essayer la formule de commencer avec une base de spiritueux. 80 ou plus de... C'est de pourcentage qu'on dit, ça? Comment est-ce qu'on dit ça? De force d'alcool, 80 quelque chose, c'est quoi? Comment t'appelles ça? La force de l'alcool, 80 proof. Le pourcentage? Pourcentage, c'est comme ça qu'on dit ça. Donc, liqueur, agrumes et peut-être quelque chose de plus sucré. Ou comme on dit, des bitters, des fois. C'était quoi la traduction de ça l'autre fois? C'était pas mal l'amertume. Ça, hein? L'amertume. Bref, et une fois que t'es confortable avec les règles de l'alcool, tu peux commencer à enfreindre ces règles-là, dit-il. Ouais. Donc, chez ces bartenders-là. Mixologue, mixologiste, peu importe, c'est plus qu'un synonyme prétentieux pour un bartender, nous disent-ils. Mixologue, c'est plus comme un chef qui va passer tout plein de temps à faire sa recherche sur les ingrédients et comparer les profils de saveurs. Contrairement au sommelier, il n'y a pas d'organisation qui gouverne cette profession-là. Donc, présentement, il y a un mouvement là-dedans, mais il n'y a pas de place officielle. Je crois que maintenant, si tu fais le cours, en tout cas du moins ici à Trois-Rivières, je veux pas dire n'importe quoi, mais à l'école de sommellerie. Ouais. Sommellerie, oui. T'as un cours de mixologie aussi. Un sous-cours, ouais, si on c'est veut. Ça, exactement. Mais y a pas d'association qui... T'en apprends un peu plus là-dessus. Tant mieux, tant mieux. On dit donc que chaque bon mixologue, mixologiste devrait commencer par être un bon bartender. Mm-hmm. Mm-hmm. Bonne idée. Quand même. Ensuite, si tu veux faire plaisir à la foule, donc si tu installes un bar chez toi pour la première fois, hein, t'as pas besoin d'aller acheter de tout. Non. On suggère d'avoir toujours de la vodka, du whisky, du bourbon, du rye. C'est quoi du rye? Je vais chercher. Ouais, je te faisais confiance pour l'alcool, moi. Je connais tellement rien là-dedans. Ça, je vais te dire que je connais pas. Non? Bon, bref. C'est l'essentiel. T'as dit de l'amertume tantôt. C'est du whisky. Good. Un whisky de seigle. Bon. Parfait. Donc, du whisky, soit un bourbon ou un whisky de seigle. C'est des sous-catégories du whisky. C'est ça? C'est ça. Bref, on suggère aussi du club soda et du jus frais, jus de citron, entre autres. Hein? Pas cher et facile. Et ça dure longtemps dans le réfrigérateur. Ensuite, on dit toujours dans les secrets des bartenders en ce moment que même les bartenders les plus gênés savent comment parler un petit peu quand aux gens, même s'ils sont plus réservés, ça peut arriver. Ils vont s'arranger pour savoir le plus de choses possibles sur le plus de domaines possibles, les sports, la musique, la culture populaire, normalement. Et sinon, ben, tu peux poser des questions sur l'alcool ou sur sa vie. Ouais. Ou tu peux aussi ne pas lui parler. Tu peux, ça dépend des gens. Moi, j'aime mieux pas parler à ces gens-là. Moi, je pense que ça dépend de la soirée que t'as. Ouais. Tu sais, si t'es avec une gang d'amis, automatiquement, tu vas tout le temps un peu parler au bartender. Je pense que ça dépend de l'endroit aussi. Ça dépend. Ça dépend de ta personnalité aussi. Tu sais, comme un chauffeur de taxi, j'ai pas envie de parler la plupart. Exactement. On dit que les bartenders, ça leur dérange pas vraiment, ou en fait, ça leur fait plaisir de créer des connexions entre les gens. Donc, tu peux les laisser jouer au Cupidon. Oui. Ben, Colin, ça, je sais pas, c'est du tout. Ils sont des pros pour prévenir le lendemain de veille, nous dit-on. Donc, les bartenders d'expérience vont essayer de ne pas t'amener jusqu'au hangover. Donc, le meilleur remède est de prévenir un verre d'eau par deux verres de boisson, disent-ils, quand même. Sinon, on dit que si ça a déjà été fait, pour s'en remettre, peut-être drink d'énergie. OK. Ouais. Beaucoup, beaucoup d'eau et un énorme déjeuner. Ah! Donc, ils disent que l'estomac est la clé. Bacon, œuf, sandwich grilled cheese style et un Coke. Un déjeuner copieux avec du Coke. Et des patates à déjeuner aussi. OK. C'est tout ce qu'il y a de plus gras, là. T'sais. Exactement. Pour, j'imagine, créer une petite couche autour de ça. Voilà. Donc, c'est tout pour les petits secrets, les petits trucs le fun de la part de bartender, quand même. Continuons dans le même domaine avec des cures, justement, pour le lendemain de veille. Et j'espère que ça va pouvoir m'aider dans celui-là aussi. J'espère. Selon mes années d'expérience. C'est ça, parce que j'ai vraiment choisi aujourd'hui une thématique dont j'ai aucune connaissance. Ah ouais, l'alcool, je connais absolument rien là-dedans. Rien. OK. Bref, la science a beaucoup à dire sur les cures de lendemain de veille qui sont un petit peu n'importe quoi. Bon, des fois, on dit que... il y a des choses qu'on peut suggérer qui sont pas nécessairement les meilleures, donc on va essayer d'en trouver des bonnes, hein, pour se débarrasser des maux de tête, de la nausée, de la tête qui tourne, hein. Donc, pour commencer, du jus de poire asiatique. Ah, tu vois ce... Non. Jamais testé, je la connaissais pas. On pourrait l'essayer peut-être, hein, avant, non, que le mois de, avant que le mois de février... Je vais m'en passer. C'est ça. Donc, on dit de passer dans la machine à jus avant de partir. Et selon les chercheurs chez Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, seulement 7,4 onces de jus de poire asiatique, c'est assez pour calmer un lendemain de veille. Les scientifiques disent que ce jus-là va interagir avec les enzymes qui défont l'alcool, qui va accélérer votre métabolisme et laisser un plus petit, un plus faible surplus d'alcool pour que le corps l'absorbe plus tard. Cela trappe, on dit que le jus doit être consommé avant de boire quelque chose, comme de l'alcool, donc pour être le plus efficace possible. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que tu peux trouver du jus de poire asiatique en canette à l'épicerie. Arrête-moi donc ça. Ouais. Avec full sucre et agent de conservation, non? C'est sûr que je suis pas certaine. Mmh. C'est sûr que, tu sais, je veux pas mettre les gens dans de mauvaises informations, mais... Ils font comme Oasis, c'est marqué 100% jus et autres ingrédients. Exactement. Ouais. Complètement naturel. Ah ouais. 100% jus et autres ingrédients. Ça m'a toujours fait bien rire, ça. Bref, on continue avec si vous êtes misérable après une longue soirée de une joke, une bière, quelques petits remèdes basés sur la science. Continuons avec la musique. Étrange, hein? Ah ouais? Quelqu'un qui a déjà vécu un gros lendemain de veille sait que le son, le bruit, c'est l'ennemi. Hein? Ouais. C'est l'ennemi. Donc, les chercheurs nous apprennent qu'écouter de la musique peut en fait soulager les migraines, donc qui sont similaires aux maux de tête qu'on peut avoir après un lendemain de veille. Il faut que la musique soit plaisante. Ouais, c'est ça. Dans tes goûts, ça devrait calmer tout ce qui se passe dans ta tête. La sensibilité de la tête n'est pas le seul symptôme que la musique peut aider. Selon les chercheurs de la University of Edinburgh, écouter votre musique préférée va aussi calmer les douleurs en général. Il n'y a pas eu de recherche spécifique là-dessus sur les lendemains de veille, mais quand même, ça devrait au moins cacher un petit peu tes problèmes. Ensuite, on parle de Sprite. Oui. Ouais, on en parle souvent. Je pense que c'est une méthode connue. Pour les maux d'estomac, peut-être. Peut-être moins le lendemain de veille. Moi, j'associe pas le Sprite à mon lendemain de veille. J'associe le Sprite à quand j'étais malade, quand j'étais jeune. Ouais. Ok, donc tu bois plus de Sprite. Exactement. Ouais, je peux comprendre. Donc, une équipe de chercheurs chinois nous apprend donc le Shubi, qui est la version chinoise de Sprite. C'est la même chose, mais d'une autre marque. Mm-hmm. C'est en fait, nous dit-on, le meilleur breuvage pour combattre les effets secondaires de l'alcool. Des 57 boissons qui ont été testées, Sprite était le meilleur pour donc aider les enzymes à défaire l'acétaldéhyde, la version métabolisée de l'éthanol, qui est blâmée pour certains des pires symptômes du lendemain de veille. Les scientifiques ont aussi identifié quelles concoctions on devrait éviter. Une boisson qui contient des herbes, tout ce qui est... Genre mojito. Ouais, ben peut-être, ouais, c'est ça. Ouais. C'était les pires, parce que ça prolonge le mal au lieu de l'accélérer. Oh! Et tout ça a été fait en laboratoire, donc c'est pas nécessairement attesté sur des vrais scénarios dans la vraie vie de lendemain de veille. Ouais, ensuite, du Pedialyte. Je ne connais pas. Ouais, le Pedialyte, c'est une question de se réhydrater un petit peu. OK. Donc, une des façons que l'alcool fait que tu te sens vraiment mal le lendemain matin, c'est à cause de la déshydratation. L'alcool est un diurétique, donc ça vous fait faire pipi. Hein, plus qu'à la normale. Et puis si vous manquez donc de liquide dans votre corps avant d'aller vous coucher, vous pouvez vous attendre à vous sentir un petit peu mal en point le lendemain, avoir mal partout et vous ne vous sentirez pas à votre meilleur. Donc l'eau, c'est bien sûr la façon la plus simple de réparer la déshydratation, mais dans les cas plus extrêmes, il y a du Pedialyte. Donc c'est une boisson développée à l'origine pour hydrater les enfants qui sont malades après avoir vomi et avoir eu de la diarrhée. C'est aussi un bon traitement pour les lendemains de veille. Pour les adultes, ça contient plein de bonnes choses, sodium, électrolytes et autres trucs comme ça, très nutritifs, et donc ça va ramener votre corps lorsque vous êtes déshydraté. Il y a d'autres trucs aussi, en genre de petites pastilles là, effervescentes qui vont dans les verres d'eau. Plein de façons comme ça de se réhydrater. Ça va pas évidemment guérir votre lendemain de veille, mais ça pourrait calmer quelques symptômes. Ensuite, les médicaments anti-inflammatoires. Je pense que tout le monde a déjà essayé verre d'eau et mettons. Des Tylenol ou des Advil, des trucs comme ça. Donc, votre premier réflexe après en commençant un élevé, c'est d'aller vous chercher une bouteille d'aspirine, des fois. Mais c'est pas nécessairement le... On dit que c'est pas le meilleur à prendre, l'aspirine, non. Les médicaments anti-inflammatoires ne feront pas grand-chose pour calmer la cause derrière votre condition, donc le lendemain de veille, mais ça peut calmer les symptômes assez longtemps pour que tu puisses te lever de ton lit sans te sentir comme si ta tête avait été remplacée par une enclume. En plus de calmer les maux de tête et les douleurs musculaires, il y a une autre raison pour laquelle ces pilules-là sont bons pour les lendemains de veille. Ça peut aider à combattre les effets inflammatoires de l'alcool. Mais donc, oui, c'est ça. Exactement. Je vais recommencer première phrase. Quand j'ai dit qu'aspirine c'était pas le meilleur, c'est le contraire. Ouais. C'est Tylenol qui est pas le meilleur. Okay. Donc les antidouleurs qu'on devrait jamais prendre pendant ou après avoir consommé de l'alcool, c'est du Tylenol. Oui. Donc les médicaments qui utilisent l'acétaminophène vont seulement empirer votre cas par rapport à votre foie. Donc on dit aspirine. J'avais entendu dire Advil aussi, mais donc pas Tylenol. Okay. C'est pas le Tylenol. On se rappelle, pas de Tylenol. C'est marqué There's one painkiller you should never take. Elle rentre juste pas take. Au point où ça te prend des Tylenol. C'est ça. Ouais, ben c'est ça. Bois avec responsabilité, hein. Comme moi. Ensuite, les œufs. Oui. Les œufs. Mais hein? comme un peu dans le déjeuner copieux. Œuf, bacon, coke. Exactement. Et ça m'écœure, le coke. J'ai faim. Donc, la meilleure façon d'attaquer un lendemain de veille avec de la nourriture, c'est de manger pendant que tu bois. Donc manger après avoir créé le problème, donc ça peut te distraire de tes douleurs pendant un petit moment, mais ça va pas calmer tes symptômes physiques, sauf l'exception qui est les œufs. Par exemple, donc ils ont un potentiel à combattre le lendemain de veille grâce à un ingrédient spécial, c'est rempli de cystéine. Qui va défaire l'acétaldéhyde de tout à l'heure. Là. Mm-hmm. Je suis pas un scientifique et ça paraît. Donc, vous aimiez bruncher à la maison ou ailleurs, assurez-vous que votre repas de lendemain de veille inclut des œufs. Ensuite, du miel sur une rôtie. Ah ouais? Ah là, ça sait me convaincre, ça. Là. Ça finit avec mon prof, je pense. Ben oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, mettre du miel sur ta rôtie à côté de ton omelette, tiens, après avoir mangé des œufs, hein, ou à côté ou en même temps. Selon la Royal Society of Chemistry en Grande-Bretagne, ça va pas guérir ton lendemain de veille, mais ça peut aider, encore une fois, à calmer les symptômes. Le meilleur déjeuner, disent-ils, donc, c'est une rôtie, du pain grillé, hein, avec du miel ou du sirop doré, mais j'aime pas le golden syrup, là, ça, c'est en bouteille, mm-hmm. C'est genre full, je sais pas si c'est chimique ou quoi, ça goûte pas très bon, j'ai essayé. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Bref, ça donne au corps le sodium, le potassium et le fructose dont il a besoin. La BBC a parlé à un médecin au sujet de ce remède-là et ils ont recommandé d'ajouter en fait une banane. OK. On dit en fait que c'est un goût qu'il faut s'habituer à ce goût-là. Apparemment que c'est pas quelque chose que la plupart des gens aiment au premier abord. Banane et miel? Banane, moi j'adore ça. Et miel, ça a l'air vraiment écœurant. Bon. Ben moi, ça fait longtemps que je fais ça. Ben, j'ai envie d'essayer. T'as jamais essayé? Jamais. Oh mon Dieu! Donc les bananes, une bonne source de potassium, un électrolyte donc qui commence à être perdu lorsque tu bois trop d'alcool, et le miel te donne un petit pic de sucre dans ton sang et un rush d'énergie pour t'aider à revenir donc à la bonne forme. Et bien sûr, l'article se termine avec un bonus qui est de boire moins. Je pense que tu l'as dit, c'est pas mal classique. Hein? Ouais. C'est sûrement la suggestion qui va le moins aider si t'es déjà en lendemain de veille, mais un article en 2005 dans le BMJ a regardé 15 études de cure donc sur le lendemain de veille, qui n'avait pas de preuves qui existaient pour suggérer qu'une intervention complémentaire ou conventionnelle serait efficace pour prévenir ou traiter le lendemain de veille d'alcool. Donc la façon la plus efficace d'éviter les symptômes, ce serait de pratiquer l'abstinence ou la modération. Même façon, hein, c'est pas pogner de gonorrhée, hein, genre. Aucune relation sexuelle, t'sais. C'est ça la solution. C'est l'abstinence, clair. Exactement. L'abstinence, hein? Ou la protection. Ou la responsabilité, exactement. T'sais. Ah, mais Dieu, hein? C'est pas ça qui... Pensez-y. Voilà pour son foutu palmarès. Il fallait que je fasse un petit commentaire à la fin, comme ça. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Si ça vous intéresse, je pense qu'on a quand même appris quelques petites affaires là-dedans. C'était bien le fun. On est l'hiver, il fait froid. Peut-être que vous pourriez, je sais pas, mettre le feu à vos pieds pour vous sentir un petit peu plus au chaud. Donc voici Walking on the Burning Coal par Gogol Bordello. Assemblage rue. I was walking on one cloudy morning with a certain shadow on my soul. Underneath a shadow that was yearning. I'm walking on the burning coal. Stay on the path. Walking on the Burning Coal. Au retour, Marc-Olivier Dumas devrait être avec nous pour sa chronique Sport et Filoché. On l'attend. Hein? Oh oui. Oh que oui. À sondage de qui? De toi aujourd'hui. À sondage de qui? Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Un sondage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Un sondage de qui? Vous êtes toujours dans l'assemblage Ricky, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. On vous rappelle que la plupart des écoles, primaires, secondaires et cégep en Mauricie, sont fermées pour le moment. Mais pas l'UQTR. Pas l'UQTR, pas les centres aux adultes et ainsi que les centres professionnels, sachez-le. Et puis, si jamais vous voulez vous tenir au courant de la situation de l'UQTR, bien évidemment, c'est la page Facebook de l'UQTR et uqtr.ca. On va le faire un peu aussi. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de voitures dans le stationnement comparé au matin à cette heure-ci. Je ne sais pas si les gens vont peut-être prendre congé volontairement. Oui, peut-être. Et sachez que les professeurs peuvent décider d'annuler leurs cours pareil. Individuellement. Oui, exactement. Okay. Donc, allez voir peut-être vos courriels UQTR, savoir si vos professeurs n'ont pas tout simplement décidé de pas se pointer, eux non plus. Très bon point. On va souhaiter que les déneigeurs se pointent aussi. Hein. Oui, on aimerait beaucoup ça. Ça fait quelques fois que je vois passer un camion de l'UQTR en train de pitcher du sable. Ouais. Au moins, on pitche du sable. Par-dessus la neige. Par-dessus les 5 pouces de neige. Il fait très noir encore. Hein. Il est 7h35, il fait encore noir. Oui. C'est bizarre. Bref, dans quelques instants, Marc-Olivier Dumas va être avec nous pour sa chronique Sport et Filoché. C'est confirmé, ça va être dans une dizaine de minutes environ. On a donc du temps pour la musique. Écoutons ce qu'on lui dédie. Hein. Vas-y, fais-le vite, par pendentif. Oui, dépêche. Ah ouais. Dépêche. Tu dis oui, vas-y, viens. C'était Pendentif avec Vas-y, fais-le vite. Assemblage requis. Alors, en attendant que Marc-Olivier Dumas arrive en studio dans quelques instants, on va partager nos coups de cœur. Ben oui, certainement. Tu manges mon cœur. Mon cœur, la chronique où les co-animateurs de l'Assemblage qui partagent leur coup de cœur. Je vais commencer cette fois-ci, si tu me le permets, avec l'application Die With Me. As-tu entendu parler de Die With Me? Non, du tout. C'est une application pour téléphone intelligent qui permet de chatter avec des étrangers, mais qui ont moins de 5% de batterie comme toi. Ah, OK. Tu peux seulement t'en servir si tu as moins de 5% de batterie. Et vous allez mourir donc ensemble dans un chat en vous dirigeant vers la vie après les ondes Wi-Fi ou LTE. Hein? Donc, tu vois ton pourcentage, comme par exemple à 82%, ça veut dire que tu peux seulement utiliser Die With Me si tu as moins de 5% de batterie. Et quand tu arrives à 5%, ben, tu as un chat et là, le nom de la personne qui s'écrit en dessous et ton pourcentage en temps réel à côté de ton message. Donc, 3%, je suis stressé. 2%, j'ai besoin d'un chargeur. Mm-hmm. 2%, j'ai besoin d'un câlin. Des trucs comme ça. Ça coûte 1$. Okay. Donc, je ne l'ai pas acheté, évidemment. et on peut donc aller chatter avec des étrangers dont le téléphone est aussi en train de mourir. Après, je me rends jusque-là, mais rarement, moins depuis que j'ai un nouveau téléphone. Ouais. Tu sais, un vieux téléphone, ça, la batterie finit par se décharger assez rapidement. Mais avec un nouveau, non, je suis encore dans les au moins 20% le soir d'habitude. Ça va quand même. C'est... Ouais. C'est parce que t'en as un récent, c'est ça, exactement. Moi, je dois au moins le charger une fois par jour. En plein milieu de la journée. En plein milieu de la journée, non, je charge plus. Mais tu sais, il faut quand même prendre en considération que je me lève à 4h, mettons 45. Oui. Et j'utilise mon téléphone pour lire les nouvelles en déjeunant. Tu sais, j'utilise pas mon ordinateur, ça va vraiment être mon téléphone. Donc, tu sais, je gruge déjà pas mal de batterie, là. Pareillement. Exactement. Pareillement. On se comprend là-dedans, donc on se chattera pas sur Die With Me. Non. Hein? Ça va rester le même. Il y a une vidéo de démonstration, c'est disponible sur assemblagerequis.com et l'application en tant que telle est sur Apple et Android, donc tout le monde peut y aller. Hein? Die With Me, simple comme ça. On aime ça. Hein? Mon petit coup de cœur, en fait, mon Tu manges mon cœur, c'est une page Facebook d'un commerce de Trois-Rivières. Ah. Ça s'appelle Végé Prêt à manger. Ça se situe au centre-ville de Trois-Rivières. Vous pouvez aller chercher des plats qui sont déjà faits. C'est des vous l'aurez deviné, là, des plats végétariens. Donc, c'est un service de traiteur, en fait, qui offre des options de repas quand même assez différentes. Mais pourquoi est-ce que je tripe sur la page Facebook? Je vous explique tout ça. C'est parce qu'en fait, ils se donnent un peu comme mission de diffuser plein de recettes. Plein d'articles. Ils parlent aussi des fromages végés sans lactose. Donc, si jamais vous avez, par exemple, certaines intolérances alimentaire, bien, allez faire un tour sur cette page Facebook-là. C'est rempli d'informations, c'est rempli de recettes aussi. Puis, si vous avez cette tendance un petit peu 2018 à faire le changement, de dire que vous allez manger moins de viande, mm-hmm. que vous voulez juste faire un petit changement à ce niveau-là, vous voulez pas nécessairement tomber végé entier, là, mais vous voulez faire quelques petits changements, bien, c'est vraiment une page où vous pouvez commencer à trouver des recettes qui sont très simples, qui sont très savoureuses aussi, et ça donne juste le goût de manger. Donc, automatiquement, lorsqu'ils postent aux alentours de 2-3 posts par jour, vous allez voir votre Facebook. Si vous êtes abonné à cette page-là, votre Facebook va être rempli d'articles de bouffe. Vous allez tout avoir faim, mais ça a l'air tellement bon que ça ne vous dérangera pas. Ah, c'est excitant, ça. Rappelez-nous le nom, s'il te plaît. C'est Végé Prêt à manger. Ça se situe sur la rue Saint-Georges, en plein centre-ville de Trois-Rivières, donc au 573 rue Saint-Georges. Et vous pouvez aller faire un tour aussi sur le site Internet qui est www.végéprêtamanger.com et vous allez voir comment ça se passe un petit peu au niveau du traiteur. Vous pouvez faire des commandes aussi, donc allez voir tout ça. C'est sûr et certain que vous allez trouver quelque chose qui vous tente. Excellent. Encouragez le commerce local. Oui, exactement. Ça me fait penser encore, je passe devant l'autobus chaque jour, mais le nouveau petit truc de cupcake là, ouais. sur les récollets est presque ouvert. Là, la décoration est faite entre le Subway et le c'est quoi, Taouk? Resto ouais, qu'il y a là. C'est Taouk. Entre les deux. Petit rose vanille. Oui, j'ai ça vu le... Oui, exactement. Mm-hmm. Et moi, mon deuxième coup de cœur, c'est une chanson, encore une fois, d'une pub de Bell Media. OK. sur CTV, le réseau de télévision canadien-anglais. Oui. Bell Media, qui est le propriétaire de ça. Alors, de tout le temps choisir des chansons qui sont assez accrocheuses, mais qui ont juste une petite phrase dedans. OK. C'est comme la chanson joue, puis à un moment donné, à la fin, t'as un petit beat, un petit punch à la fin, mm-hmm. et sont tout le temps super difficiles à trouver. Ouais. J'ai vraiment dû chercher quand même assez longtemps. Ils écrivent jamais les noms des chansons dans le coin de l'écran comme ils devraient faire. Mais bref, j'ai trouvé celle-là. Le bout qui joue dans la publicité est vers, il me semble, la fin de la chanson. Mais c'est pas grave, on va écouter. C'est Blues Saraceno avec la pièce The River. C'est sur l'album Dark Country 4. Fait que, tu sais, c'est pas mon genre d'habitude. Mais on écoute ça. Blues Saraceno. Oh my Lord, take this soul. Lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom of the river. Dans la publicité, c'est juste ce petit bout-là qui vient de jouer. Le dernier petit punch, là, c'est ça. Donc, c'était Blue Saraceno avec The River sur l'album Dark Country 4. C'est dans une publicité pour la série Cardinal avec Karine Vanos, mm-hmm. Quand ça joue sur CTV. Donc, ça m'a accroché. Et Est-ce que tu as écouté cette série-là, Mathieu? Non. Incroyable. Ah oui? Oui, j'ai écouté la première saison. J'ai pas encore écouté la troisième. Je crois qu'on est rendu à la troisième. Mais c'est sûr et certain qu'il faut que je m'y remette. C'est vraiment, vraiment bon. Good. Tu me dis rien de plus que ça. Ben, je veux pas te voler de punch. OK. Mais ça se passe dans le milieu policier. Ah, ouais. Good. Cardinal. T'avais un dernier petit coup de cœur pour nous, rapide? Oui, exactement. Mais en fait, c'est le site Internet du Mahican Aventure. Donc, pour la plupart des gens à Trois-Rivières, je pense qu'on connaît tous le Mahican. C'est la place où vous pouvez aller faire du canot, vous pouvez aller faire du rabasca, tout ça. Mais pourquoi est-ce que je veux vous en parler? En fait, c'est leur activité de soir, qui est de l'escalade sur glace, mais de soirée. Et c'est vraiment pas dispendieux du tout, on s'entend. On parle de service d'un moniteur avec vous pendant toute la soirée et aussi l'équipement nécessaire pour une soirée d'escalade. Et c'est 39$, donc c'est vraiment pas cher. Puis vous allez passer la soirée avec un groupe où vous allez justement escalader la belle grande plaque de glace qu'on peut voir près de la route. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a aussi certains forfaits de débutants en termes d'escalade. On a un mur d'escalade intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, si jamais ça vous intéresse, il faut tout simplement aller faire un tour sur la page Facebook. Tous les forfaits sont là. Tout ce que ça va vous prendre aussi en termes d'équipement et tout ça, vous pouvez le louer directement là. Et la plupart du temps, ça va être compris dans le prix du forfait. Donc, c'est merveilleux. Puis, si ça peut seulement vous amener une nouvelle passion, ben peut-être est-ce que ça va être l'escalade sur glace? C'est ça, il faut bien commencer quelque part. Exactement. Voilà pour nos coups de cœur. Merci, Tania. Fait plaisir. Alors, tu manges mon cœur. AssemblageRequis.com pour les liens d'aujourd'hui dans cette chronique. C'est dans le note de l'émission numéro 1190. Parlons de sport d'hiver. Lui a fait, je pense, de l'escalade de montagne enneigée. Salut, Marc-Olivier Dumas. Bon matin. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé, rapido? Ben en fait, hier soir, quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu que le stationnement, je pouvais pas rentrer dedans parce qu'il y avait trop de neige. Et bien ce matin, c'était le contraire. Je pouvais sortir de mon stationnement, mais je pouvais pas sortir de l'endroit où je m'étais stationné parce qu'il y avait trop de neige. Et donc, ce qui devait arriver arriva, je suis resté coincé un petit peu. Et voilà. Mais la chose importante, c'est que tu as réussi à te rendre. Oui. Pour ta chronique sport et filoché. Sport et Filoché, bonjour à toi. Bonjour à toi, Mathieu. Dans une case horaire exceptionnelle. Oui. Parce que tu es dans l'organisation du carnaval. Exact. Et même qu'au départ, je pense que j'en avais parlé la semaine dernière, je pensais pas faire la chronique. Et la seule raison pourquoi je suis là ce matin, c'est parce qu'il y a une bombe qui est tombée la semaine dernière, en fait. Une très, très grosse nouvelle. Les Patriotes de l'UQTR qui ont dû déclarer forfait pour 13 matchs du début de la saison. En fait, 13 matchs, c'est les 13 victoires qu'ils avaient signées avant le 1er décembre, si je me trompe pas. Dans le fond, ils déclarent forfait rétroactivement. Exactement. C'est ça, exactement. Fait que les matchs qui s'en viennent ne sont pas touchés, mais... C'est ceux au passé qui, sont transformés en défaites au lieu des victoires. Exactement. Donc, tous les matchs avant le 18 novembre, donc 18 novembre inclus jusqu'au début de la saison... sont maintenant perdus, c'est un forfait. Donc si vous regardez le classement, c'est des défaites de 1-0. Les défaites normales ne changent pas. Les défaites en prolongation deviennent une défaite normale. Okay. Donc tout ça fait que les Patriotes, au lieu d'être à quoi 18 victoires environ? Ouais, on est comme rendu à 15 défaites. Oui, ouais, c'est ça. Mais pourquoi tout ça? Parce que c'est bien beau, OK, déclarer forfait, blablabla, mais pour quelle raison tout ça? Parce que les Patriotes ont aligné un joueur qui n'était pas réglementaire. J'ai pas très bien suivi parce que certaines règles d'éligibilité que certains joueurs, s'ils jouent dans d'autres ligues, ne peuvent pas nécessairement jouer c'est avec ça l'affaire, c'est qu'il y a eu un mélange de... Il jouait junior 3A, puis là, il s'en venait ici à l'université. Donc, si j'ai bien compris, on l'avait signé pour la prochaine session. Il y a eu la possibilité de venir ici plus tôt, mais en temps normal, il faisait encore partie de l'autre équipe. Et on avait besoin de beaucoup de remplaçants dans exactement. La... Il y a une couple de suspensions. Donc, on l'a habillé, il n'était pas éligible. Donc, ça donne que les Patriotes ont dû déclarer forfait sur tous les matchs où il a participé avant qu'il devienne éligible. Maintenant, le joueur est réglementaire, donc les Patriotes n'ont pas à déclarer forfait pour tous les matchs qui ont été gagnés après le 18 novembre parce qu'il était devenu réglementaire comme joueur. Mais là, avant ça, il n'était pas réglementaire, donc c'était toutes des défaites. Ouais. Et si je me rappelle bien d'avoir lu l'article, ça disait pas que c'était quelqu'un dans l'équipe, quelqu'un haut placé dans les Patriots Hockey qui a déclaré dans le fond que c'était ce qui s'était passé. C'est un petit peu pas stoulé, mais tu sais, il n'y avait pas le choix de le faire. Mais ils ont appelé pour avoir des renseignements, en fait, puis ils ont comme réalisé qu'il était illégal en tant que remplaçant. Genre au téléphone, ils ont fait genre Ah ouais. Oups, on n'aurait peut-être pas dû appeler. C'est ça, exactement. Mais de toute façon, les Patriots ont dit qu'ils allaient assumer la conséquence. Ben ouais, mais là. Et que c'était dans les valeurs des Patriots de jouer selon les règles et de respecter les règlements en place. Oui, c'est sûr, c'est triste, mais en même temps, c'est un défi pour ces joueurs-là. Il va falloir qu'ils se retroussent les manches un petit peu, qu'ils ne se laissent pas abattre par cette situation-là parce que. On va se le dire, là, les séries éliminatoires, ils vont les faire quand même. Ben c'est ça, exactement. Il y a eu des gens qui ont eu des petites sueurs quand cet article-là est sorti, mais c'est pas tant problématique pour les séries. Là. Pour les séries, les Patriots sont maintenant à 15 points. C'est 2 points de plus que Laurentian, qui a un match en main. Mm-hmm. Sauf que c'est pas nécessairement des équipes très dangereuses dans la Ligue. Le seul hic, c'est que les Patriots ont quand même un calendrier assez difficile à aller jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est peut-être là la seule petite twist qui pourrait nuire aux Patriots. Quoi qu'on affronte Ottawa la semaine prochaine. Fait que les Patriots, dans le monde idéal, finiraient 7e et affronteraient Concordia au premier tour. Parce que tu disais que 8 équipes sur 10 font les finales. Les séries, oui, les exactement. Séries. Mm-hmm. Excuse-moi, les séries, les finales. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Le cliffhanger de la fin. Le series finale. T'es pas loin. Mais c'est ça, il y a 8 équipes sur 10 qui font les éliminatoires. Les Patriots sont maintenant 8e après ce qui vient de se passer, 2 points de plus que Laurentian. La seule chose qui peut leur nuire présentement, c'est un calendrier quand même assez difficile. Et avec le nombre de matchs qu'il leur reste, le meilleur rang possible est présentement la 7e position, tout juste devant Nipissing. Donc, ça serait le meilleur rang. Sinon, on affronterait McGill au premier tour. Ouais. Mais comme qu'ils disent, pour devenir champion, il faut battre les meilleurs. Exactement. Et comme qu'ils disent, ben les gens se posaient la question à savoir s'il allait avoir le match du carnaval. Là, il faut que vous sachiez. C'est ça, ne vous inquiétez pas. Calm down. Là, la question présentement, le monde, je pense qu'il s'en fiche un peu du match du carnaval. Savoir s'il y a le carnaval aujourd'hui. Parce qu'on parlait de peut-être fermer l'université. Ah ouais. À date, on est en onde, donc université. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec ça? Ben, est-ce que j'ai vu, il n'y a pas de message encore. Pas encore. Donc, on va avoir notre café Baileys. Oui. Ça ressemble à ça. Exactement. 10-12 probablement, parce que je pense pas que le monde va vouloir sortir. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. Là, pour la rectification qu'il y a eu hier en onde, c'était censé être sur la terrasse de la chasse-galerie. Là, finalement, on a jasé avec toi, Marc-Olivier, hier durant la journée, parce qu'on s'est rendu compte que pas personne sur la terrasse. Ben non. C'est au 10-12. Oui, mais en fait, c'est ça. Ça va vraiment dépendre de l'association en place. Surtout que ça a de l'air qu'il annonce peut-être de la pluie verglaçante. Oui, il y en avait ce matin, en tout cas. Quelques minutes. C'est peut-être pour ça aussi que je suis resté coincé. Peut-être pour ça. Peut-être. J'étais sur de la glace direct. Tu sais, je regardais mon auto et je fais, ben, il n'y a pas de neige qui m'empêche de bouger. Mais pourquoi? Il y a de la glace. Ah ouais. As-tu mis tes patins sur ton char? Non, ça se fait pas. Ben, ça. J'ai des traction. En fait, j'ai pas des traction aid, j'ai une traction aid. Ah! Mais c'est en masse. Oui. Ah, avec une traction aid, tu peux faire plein de choses. Mais j'ai pas eu à l'utiliser, heureusement. Bon. J'ai réussi à me déprendre. Merveilleux. Mais il a fallu que je pète quand même un petit peu avant pour. Ben, c'est pas que ta vie personnelle n'est pas intéressante, mais Ben, tant qu'à être ici, les Patriots, ils ont quand même joué la semaine dernière. Ont vaincu Concordia 8-6, match pré-carnaval, mercredi dernier. Très, très bon match. C'était un festival offensif, là, on peut le voir avec le score. Et surtout, les Patriots se sont fait dominer et par je ne sais quelle magie, ont réussi à voler avec la victoire. Ils l'ont fait disparaître à Concordia. Des magiciens. Et ils se sont inclinés 4-2 dimanche dernier face à Carleton. C'est un match qui aurait été intéressant de remporter. Évidemment, parce qu'on tente de... Tu sais, après la grosse nouvelle, on tente de se refaire avoir le plus de victoires possible. Tu sais, sans dire une confiance, parce qu'on reste qu'on a gagné tous nos matchs, on essaye quand même, tu sais, de se rebâtir un petit peu intérieurement, parce que ce genre de nouvelle-là, c'est très, très dur. Redorer le blason, comme on dit. Mais ce qui va être très, très drôle, le classement sort aujourd'hui, le top 10, et ce qui pourrait être ironique, c'est qu'une équipe avec une fiche de moins de 500 pourrait faire partie du top 10 canadien, parce que ça enlève ce top 10-là n'a rien à voir avec le classement direct, c'est avec c'est un power ranking. Donc, ça enlève rien que les Patriots, selon plusieurs observateurs, font partie des 10 équipes les plus puissantes de la Ligue. mais à cause de ces défaites-là, sont en bas de 500. Donc, ça sera un petit peu ironique de voir une équipe en bas de 500 faire partie du top 10 canadien. Ce serait quand même très drôle. Et pour terminer, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai quand même une réunion du carnaval dans... Là. À 8h, il est 8h moins 1. Il est 8h sur mon cellulaire. Ah ouais. Donc, rapidement, les Olympiques, ça s'en vient dans 3 semaines. Hey, ça va vite. Là, ça on va a vite. Hâte. Ouais. Oui, et j'ai comme en fait pratiquement tous les sports. Il en reste pas beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sport où ça prend vraiment des balles d'acier. C'est une traduction littérale de Balls of Steel. Oui. Et c'est le skeleton. Oui. Ah, le sport mortel. Ben, non, c'est vrai. Il n'y a pas du monde qui sont morts à ça? Non. Non? Pas encore? La luge. Pas encore? Oui. Cette année, peut-être, est la bonne? En fait, ils disent que le skeleton est moins dangereux que la luge ou le bobsleigh. Le bobsleigh, ah, c'est ça, oui. Au bobsleigh, il y a des gens qui sont morts. Exactement. Ouais. Il y a eu du monde aussi qui sont morts à la luge. Juste à penser à Vancouver, pendant les décembre de pratique, il y a un... C'est un Géorgien qui avait pris une papier débarque. Et une méchante débarque. Mm-hmm. Puis après ça, ils avaient forcé le comité organisateur des Jeux olympiques de... pas revoir la piste. La piste est restée identique. C'est juste qu'ils ont changé un petit peu les mesures de sécurité parce qu'il y avait un beau poteau qui était là et c'est ça qui a frappé de plein fouet. Et alors, au lieu de juste laisser le poteau, ils ont comme tout mis une rambarde pour empêcher ce genre de situation-là une deuxième fois. Mais justement, la différence entre le skeleton et la luge et le bobsleigh? En fait, c'est complètement différent. Le bobsleigh, c'est dans une classe à part. Là. C'est comme si tu descendais dans un traîneau. Mm-hmm. Le skeleton... par rapport à la luge, c'est la luge, t'es sur ton dos. Oui, là, c'est tête première, c'est ça? C'est ça, le skeleton, c'est vraiment tête première. Donc, la façon de partir est différente parce qu'à la luge, ils vont utiliser deux poignées de chaque côté d'eux et ils vont se donner un élan et ils vont travailler un petit peu avec leurs mains au début avant de se coucher. Alors qu'au skeleton, ils vont vraiment courir avec la luge jusqu'à la limite et après ça, ils vont se placer tête première sur leur luge. Et c'est ceux qui trippaient sur le Crazy Carpet quand ils étaient jeunes. Ça descend. Là. Ces gars-là vont chercher des 100 km/h facilement, tête première. Mais t'es couché, tu peux faire la sieste en même temps. Là. Pas vraiment. Pas sûr que t'as le temps de fermer les yeux. C'est une minute la descente, puis je vais avouer que quand tu descends 100 km/h, il y a un peu de force G qui est en ligne de compte. Tu peux. Faut que tu restes concentré parce que si tu rentres trop vite dans un virage puis que tu montes trop haut, ça se peut que. Tu te retrouves... dans les airs. Bye-bye. Je sais pas trop où, mais un petit peu... Tu sais, pas sur la piste. Ouais, c'est ça. Hors-piste, hein? Exactement, ouais, hors-piste. Ou sinon, tu peux monter trop haut et là, tu redescends trop fort et tu rentres de plein fouet dans le mur de glace. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans ce sport-là, donc faut que tu restes concentré. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas, mettons, un sport automobile. Ah! Mais... non, c'est pas une pin. C'est pas une pin. Ok, t'sais, non? Non, pas du tout. Ah, ok. C'est pas un sport automobile où ils sont vraiment en voiture puis il y a le moteur puis ils peuvent contrôler. Ouais. Là, il n'y a pas de frein. Non, c'est ça. Tu contrôles pas mal plus avec comment tu vas placer ton corps, mettons, dans un virage que d'autres choses. Le corps joue pour beaucoup. On utilise un petit peu les pieds aussi pour se replacer. Ouais. Ils donnent des petits coups avec des pieds à crampons. Donc, ils vont se replacer un petit peu comme ça. Mais tu sais, t'as pas le contrôle. Le bobsleigh va avoir beaucoup plus de contrôle parce qu'ils ont une sorte de volant dans le bob. Alors qu'en luge, la luge aussi a un peu plus de contrôle parce que sur les skis, ils peuvent travailler avec leurs pieds puis bouger un petit peu. Alors que le skeleton, ils n'ont pratiquement aucun contrôle. C'est vraiment la position du corps et le mouvement des pieds qui va faire la grosse, grosse, grosse différence entre le si tu perds du temps, veux pas parce que une petite correction fait toujours perdre du temps. Je veux dire, il y a de la friction sur la glace. Donc, la différence entre une médaille d'or, une médaille d'argent, pas de médaille du tout, des fois, c'est minime. C'est juste que t'as pas été capable de corriger assez avec ton corps, t'as dû corriger avec ton pied. Et évidemment, c'est un à la fois, là. Oui, oui, il y en a pas deux en même temps sur la piste. Et ce genre de compétition-là, les bobeurs, skeletonneurs et lugeurs vont faire 4 descentes dans 2 jours. Ils vont commencer, le premier tour, c'est pas du favori, c'est du... moins favori, c'est du plus négligé jusqu'au favori. Mm-hmm. Ça, c'est le premier tour. Le deuxième tour, on fait la route inverse, donc du favori au négligé. Troisième tour, c'est du meilleur temps au moins bon temps. Et le quatrième tour, c'est du moins bon temps jusqu'au meilleur temps. Donc, jusqu'à toute fin, souvent, on va voir des premiers, parce que là, on sait pas. Là, t'as le meilleur. Celui qui a le meilleur temps cumulatif après 3 rondes va être le dernier à y aller. Donc, c'est un peu la même chose qu'au ski. Ski, c'est un petit peu différent. En ski, il y a des centres de pratique. Ouais. Et c'est selon les classements des centres de pratique qui vont envoyer le monde. Alors que les descentes de pratique ne comptent pas sur le temps final, alors que les quatre descentes sont importantes en bobsleigh, en skeleton ou en luge. Donc, si tu te rates, si tu te plantes sur une descente, ben, c'est juste tout bad, puis t'es batté. Alors qu'en ski, ben, même si tu te plantes en descente de pratique, c'est pas grave. T'sais, c'est comme un peu en Formule 1 au début des années 2000. Les qualifications fonctionnaient comme ça. Celui qui faisait le meilleur temps en essai libre avait le dernier tour rapide en qualification. Ça apportait des avantages, certains des avantages, surtout quand il annonçait de la pluie. Ouais. Pas trop de grésil dans le skeleton, est-ce que ça annule la compétition, ça, s'il y a du verglas? Non, c'est juste, je pense que c'est les conditions météorologiques, il faut que tu gages avec, là. Ouais. T'as pas le choix. Ah, ouais, wow. Ben, je pense que dans des conditions extrêmes, ils peuvent annuler, c'est là, c'est comme le ski. En fait, ils annuleront pas, ils vont repousser, mais je pense que ça fait partie des conditions, là. Ça se peut qu'il neige un peu, puis tu sais, au nombre de bobs qui vont passer, de skeleton, puis tout ça... pas si grave que ça parce que la neige va s'enlever de toute façon. Donc voilà, on va surveiller ça à partir du 8 février. Hein, 9 février. Ça j'ai dit. 9 février 2018 pour les Olympiques d'hiver. Pyeongchang. Pyeongchang. Merci Marc-Olivier Dumas. Ça me fait plaisir. Bonne réunion qui a commencé il y a 5 minutes. Je t'entends, moi. C'est pas grave. Mais non. C'est pas grave. On te retrouve la semaine prochaine dans ta case horaire habituelle. Ça devrait. Qui est quoi, 8h30? 9h30? 8h. 8h? 8h. Ça a changé, hein? C'est 8h maintenant. Parfait. Faut que je me rende au CPP après. Merci, Marc-Olivier. dans quelques instants, Justine Renaud, qui, elle, s'est fait transférer de case horaire par la force des choses. Hein? Elle, qui était à 7h30 habituellement, on l'a retrouvée dans quelques minutes. Mais avant ça, on prend une légère pause. Vous êtes à Assemblage requis jusqu'à 10h. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. C'est fou! 89. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Aujourd'hui, assemblage de pieds. Oui. Assemblage de pieds. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 23 janvier 2018. Elle est Tania Beautin. Et Mathieu Plante. Justine Renaud qui vient d'arriver. Ah, allô? Allô, Justine. Ah, déluge! Déluge! Aujourd'hui, on va parler d'évidence, du fait que je flotte dans une espèce de liquide incorporant mes jeans. Ah, wow! Vous êtes probablement tous... Pas de chocolat. Oh, wow! On est ici pour parler de science et de trucs comme ça dans Justine Pertine. Ah, Justine Renaud, salut! Bonjour! Salut! J'entends dire qu'on parle de sauce à fettuccini aujourd'hui. Exactement, on parle de sauce à fettuccini en commençant par ce qu'on met dans la sauce, c'est-à-dire du lapin. Du lapin? Oui, ben oui. Ça n'a aucun rapport, mais vous allez comprendre. OK. Vous devez... OK, ce matin, on se casse la tête à juste comme essayer d'ouvrir notre porte de char dans les bancs de neige qui nous encombrent. Mais aussi complexe que ça, c'est la suite de Fibonacci. Ah, la suite de... les nombres de Fibonacci. Exactement. C'est ça, j'avais pas compris ça. Les nombres qui sont dans la suite de Fibonacci. Mais je voulais commencer ce matin par quelque chose un petit pop quiz mathématique laquelle vous avez peut-être la réponse. Ou pas du tout. Pas sûr. Un homme met un couple de lapins dans un lieu isolé de tous les côtés par un mur. Est-ce que la SPA intervient? Non, c'est pas ça. C'est des trous dans les murs. c'est ça. Est-ce qu'il respire? Non, il respire pas, ils sont tous morts. Mais en même temps, si tu le vois pas, il est mort et vivant. Ça, c'est le lapin de Schrödinger. Les lapins de Schrödinger existent, oui. Donc, un homme met en couple de lapins, un couple de lapins dans un lieu isolé de tous les côtés par un mur. Combien de couples obtient-on en un an, donc 12 mois, si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple à compter du troisième mois de son existence? Parce qu'avant ça, ils ne peuvent pas copuler, maintenant. OK. Donc, avez-vous ils une réponse? Ils ne s'aiment pas encore à ce moment. Moi, je vais dire plusieurs. Ouais, moi aussi, c'est un beau chiffre. Nombreux. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Écoute, j'essaie, je suis pas super bonne en calcul rapide, genre. Non, je suis pas bonne en calcul lent. C'est sûr que c'est au-dessus d'une centaine. Parce que t'as dit que ça prend un an, c'est ça? Oui. Sur un an, puis ça prend les trois premiers mois où ils font rien. Oui, c'est ça. Ben, ils font de quoi, mais en tout cas, ils font pas de bébé encore. C'est ça, puis après ça, ça va au mois. Oui. Fait que, mettons, déjà, à partant avec les deux premiers couples... T'en as une tonne. Il va manquer de place quelque part. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'on n'achète pas ça, des lapins mâles et femelles ensemble. Ça devient comme exponentiel, c'est ça? Ouais, mais oui, c'est ça. C'est que ça n'arrête plus à un moment donné. Là. C'est ben, ça copie comme des lapins, c'est pas exactement. Ça qu'on dit. Ben et oui. Voilà. Donc Tania, ta réponse est relativement proche de la réalité, étant donné qu'on cherchait 144. Oh. Et c'est grâce à ce dénommé Leonardo Fibonacci qu'on est capable de le savoir rapidement. Il n'y a pas moyen de le calculer vraiment à la mitaine, mais enfin, on peut faire ça très rapidement. Okay. C'est l'énoncé, en fait, que j'ai dit, c'est un problème mathématique tiré d'un de ses ouvrages mathématiques parus en 1202, à savoir Liber Abaci, qui, lorsque traduit, signifie « livre de l'abac », tu sais, abac pour abacus, ça, le bidule. Les billes. Exactement, les billes qu'on compte. Ou bien, plus simplement, le livre du calcul. Et donc, ce calcul récréatif posé par Fibonacci est résolu par lui-même dans son ouvrage d'une manière très, très simple. On conçoit une série de nombres entiers dans laquelle chaque terme est l'addition des deux termes qui le précèdent. Et c'est ça la suite de Fibonacci. Donc, dans notre problème, on veut savoir combien de couples de lapins on va obtenir au 12e mois si chaque couple donne naissance à un nouveau couple à tous les mois à compter du 3e mois de son existence. Donc, la suite commence donc par le chiffre 1, étant donné qu'on démarre avec un couple de lapins, c'est ça. Et au mois 2, le couple n'est toujours pas en mesure de donner naissance. Fait que zéro. Au mois 2, on est toujours à un seul couple. C'est ça. Donc, mois 1, 1. Mois 2, 1. Au mois 3, le couple donne naissance à un couple parce qu'il est maintenant en mesure de faire des bébés. Donc, le mois 3, c'est 2. Et au mois 4, le couple initial qui vient de donne naissance à nouveau. Mais le couple qui venait de naître au mois 3 n'est pas. Exactement, il n'est pas à maturité pour donner naissance. Ah, ben oui. Donc, on obtient 3 couples pour le mois 4. Si on continue jusqu'au mois 5, le couple initial donne un nouveau couple. Le couple du mois 3 est maintenant en âge de donner un nouveau couple. Mais le couple du mois 4 n'est pas en mesure. Alors, on obtient 5 couples pour le 5e mois. Juste en observant cette suite de chiffres, soit 1, 1, 2, 3, 5, on s'aperçoit déjà d'un certain patron, à savoir que chaque terme est l'addition des deux termes qui le précèdent. 1 plus 1 donne 2, 1 plus 2 donne 3, 2 plus 3 donne 5. Et si on poursuit notre suite, il y a donc moyen de deviner au 12e mois combien de couples il y aurait. Donc 3 plus 5, 8 au 6e mois, 5 plus 8, 13 au 7e mois, 8 plus 13, 21 au 8e mois, etc. Mais il faut absolument le faire à la main tout le temps. Ben, ça te prend une méchante feuille de calcul. Ben, c'est ça, là. Non, mais tu sais, la suite de Fibonacci, là, t'as sort là, sur Wikipédia, puis tu serais capable de savoir comme facilement. Comme cheat. Exactement. Il y a de la triche là-dedans. Fait que le dernier calcul est en 55 plus 89, qui donne 144 coupes de lapin au 12e mois. Donc, pas bien futé, le Fibonacci. Il a réussi à résoudre son propre problème, bravo, sur la copulation des lapins. C'est important là, que ce soit juste. Ben oui, parce que tu sais, tout le monde cherche à savoir combien ça capte. Mais est-ce que c'est obligatoire? Qu'ils sautent les deux premiers mois. Si, mettons, ils sautaient pas les deux premiers mois, est-ce que la suite fonctionnerait quand même? Non, je penserais pas non. Ah, non. Fait que c'est juste pour les lapins et c'est juste pour les lapins qui vont être enceintes après 3 mois. C'est vraiment spécifique. Écoute, comme non, sérieux, je sais pas si c'est juste pour les lapins, mais c'est dans. On circonscrit certains restreints. On circonscrit des restreints, c'est pas mal restreint. Il n'y a pas grand-chose qui est permis. Fait que les restrictions existent de cette manière-là, étant donné qu'on les observe aussi dans la nature. Donc, ça s'applique pas juste aux lapins. Ah, okay. Mais l'exemple des lapins est vraiment un bon exemple. Fait que ces chiffres-là, ils portent quand même une importance assez prédominante dans la nature. Mm-hmm. Non, je voulais justement pas dire une importance importante. Et donc, la suite de Fibonacci se retrouve absolument, mais absolument partout. Elle apparaît dans les spirales logarithmiques qui prennent naissance à partir d'une unité centrale discrète. Donc, un petit piton au milieu là, qui va, de manière logarithmique, faire une spirale autour de sa propre personne, d'une manière qui correspond à la suite de Fibonacci. Par exemple, là, je suis en train de parler du chinois, mais par exemple, c'est coréen du sud. Oui, oui, c'est ça. Donc, on parle des tournesols, par exemple. Tu regardes là, du centre jusqu'à au pourtour du tournesol, ça suit la suite de Fibonacci en termes de nombre d'espèces de fruits, dans le fond, des graines de tournesol. Dans les cocottes de pin aussi, même chose. On peut aussi observer cette suite dans le nombre des pétales de marguerite qui portent souvent les nombres de Fibonacci 34, 55 ou 89. Et la même chose va pour les feuilles au-dessus de l'ananas, les artichauts, etc. Wow. Donc, en fait, c'est pas par hasard qu'on retrouve la suite de Fibonacci partout dans la nature. C'est une suite qui décrit, sauf quelques exceptions, la phyllotaxie des végétaux. Et la phyllotaxie, c'est quoi? Ben, c'est l'organisation des feuilles ou des pétales sur une tige ou des rameaux sur une branche, etc. Bref, c'est en gros l'ordre dans lequel sont implantés ces éléments qui bourgeonnent sur une tige ou un support. Et ça a un impact direct sur les éléments d'un fruit, d'une fleur, d'un bourgeon ou d'un capitule. Et dans d'autres sphères d'application, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas juste dans la nature que ces chiffres-là... En fait, dans la nature, on ne peut pas vraiment les utiliser à part pour prédire certains aspects de la phyllotaxie, justement. On peut juste s'en rendre compte. Puis on est comme, oh wow, bravo Fibonacci, t'as vraiment un œil malade. Tu t'en rendras pas compte avec tes yeux humains, il va falloir que tu fasses une photo et que tu fasses un calcul avec un graphique dessus. Exactement, exactement. Mais dans la vie de tous les jours, ça sert énormément en sciences informatiques, dont tous vos ordinateurs suivent plusieurs algorithmes, plusieurs matrices de calcul qui dépendent, dans le fond, de la suite de Fibonacci, du moins que Fibonacci pourrait expliquer. Et c'est super utile aussi pour plusieurs concepts mathématiques. Et ce matin, j'espère que vous avez pris votre café parce qu'on va en faire des maths. Ah ouais? En fait, Fibonacci aimait beaucoup les chiffres, comme moi, j'aime beaucoup les femmes. Et pour cette raison, il était de connivence intellectuelle avec Euclide, quoi qu'il était son prédécesseur. Euclide. Elle est pas là. Fait qu'Euclide, c'était son prédécesseur du 3e siècle avant Jésus-Christ. On sentait qu'il l'a comme précédé de plusieurs centaines d'années. Mais quand même, les nombres de Fibonacci permettent l'étude, par exemple, de l'exécution de l'algorithme d'Euclide qui détermine le plus grand commun diviseur de deux entiers. En français, là, ça veut juste dire que la suite de Fibonacci aide au calcul des diviseurs de deux entiers. Mettons, le plus grand commun diviseur de 4 puis 8, ben, c'est 4. Mm-hmm. Le plus grand commun diviseur de 15 et, je sais pas moi, 150, ben, c'est 15. OK, j'utilise vraiment des chiffres faciles avant. Vous allez voir plus tard, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, okay. Les nombres de Fibonacci interviennent dans l'étude, justement, de l'algorithme d'Euclide et les plus grands communs diviseurs des nombres de Fibonacci eux-mêmes comportent un patron de Fibonacci. Là, il faut que je me sorte carrément une espèce de page. Ça existe souvent sur l'Internet. On trouve des espèces de pages web faites un peu à la main par douteuses. Là, la mienne est de couleur lila. Ah, mon Dieu. Ah, c'est beau. Ça fait très forum. C'est écrit en Times New Roman. Exactement. Ouais. 1990, cette page-là, clairement. Donc, on expliquait dans cette page-là que si on prend le plus grand commun diviseur de deux chiffres de Fibonacci, par exemple, 55 et 13, ce sont deux nombres de Fibonacci, eh bien, le plus grand commun diviseur est aussi un nombre de Fibonacci. Dans notre cas, c'est 1. OK, j'ai utilisé 1 facile. Mettons qu'on prenait le chiffre 8 et 34, deux nombres de Fibonacci. Le plus grand commun diviseur, c'est 2. Et admettons qu'on prenait quelque chose de plus compliqué comme 13 et 377, ben le plus grand commun diviseur est aussi 13. Donc, à chaque fois qu'on a un commun, un diviseur commun, le plus grand, en fait, ça va toujours être un chiffre de Fibonacci de 1. Et encore mieux que ça, ce chiffre de Fibonacci-là, qui est le plus grand commun diviseur, est aussi... Le même nombre de communs diviseurs je me perds dans mes explications parce que c'est extrêmement compliqué. C'est aussi le plus grand commun diviseur du numéro qu'on attribue aux chiffres dans la suite. Par exemple, je vais vous donner un exemple, ça va être vraiment beaucoup plus clair. Dans la suite de Fibonacci, on a 1, 1, 2, 3, 5, 8. Vous êtes d'accord? Oui. Mm-hmm. Ça, c'est les réels nombres de Fibonacci. Ah, mais sa position 1, 2, 3, 4, 5. Exactement. Okay. Mais la position de 1, c'est 1. La position de, du deuxième 1, c'est 2. La position du 2, c'est 3. La position de 3, c'est 4. La position de 5, c'est 5. Et 8, c'est 6, etc. Fait qu'on a ainsi sa position numérale dans l'ordre. Ouais. Et donc, si on prend, par exemple, le plus grand commun diviseur de 8 et 34. 8, c'est le sixième chiffre et 34, c'est le neuvième chiffre. Si 8, c'est le sixième chiffre et que 34, c'est le neuvième chiffre, 6 et 9, le plus grand commun diviseur de 6 et 9, c'est 3. Mm-hmm. Et 3, c'est quoi le troisième nombre de Fibonacci? Ben c'est 2. 1, 1, 2. Et le plus grand commun diviseur de 8 et 34, c'est 2. Ben voyons donc. C'est vraiment fucked up. Tout est dans tout. C'est tout est dans tout. Mais c'est ça, vous pouvez très facilement trouver ces espèces de suites-là et ces exemples de calculs-là et d'espèces de logique de Fibonacci facilement sur Internet en écrivant Fibonacci, puis toutes les applications vont sortir. Dans mon cas, moi, j'ai sorti Fibonacci et Greatest Common Denominator, Greatest Common Divisor, ça dépend comment qu'on le surnomme. Mais peut-être un petit peu plus commun pour les mortels de ce monde, la suite de Fibonacci porte aussi un lien avec le fameux nombre d'or qui est 1.61803398874989849848. Moins populaire que le pire. Ouais, un petit peu moins. Ouais, c'est moins. On l'utilise moins, celle-là. On le connaît moins par cœur. Et tant pis. C'est assez simple, en fait. chaque nombre de la suite de Fibonacci, lorsque divisé par le terme qui le précède, va donner approximativement le nombre d'or. Et plus on avance dans la suite de Fibonacci, plus on se rapproche du réel nombre d'or. Donc, on prendrait le nombre à l'infini de la mm-hmm. suite de Fibonacci divisé par son terme qui précède, donc infini moins 1, ça donnerait le nombre d'or. Okay? Et si tu divises par district 31, ça t'amène à guilde d'or. C'est ça. T'as tout compris. Ouais. Oh, wow. C'est comme ça qu'il faut utiliser les mathématiques. Le nombre de guilde d'or. 4 soupapes. par exemple, 5 divisé par 3, ça, c'est nos deux termes de Fibonacci, là, ça donne 1.6666. Donc, on n'est pas exactement au nombre d'or qui est 1.6180, ouais, par exemple. Ouais. Mais si on prend 21 divisé par 13, on obtient 1.61538. Déjà là, on se rapproche, tabarouette. Et beaucoup plus loin, on prend, mettons, 144 divisé par 89, ça donne 1.61777, qui est très, très proche de 1.618, dans le fond. Mm-hmm. Hein? Et on voit donc qu'on se rapproche du nombre d'or. Et on sait qu'à partir du nombre d'or, dans la nature et dans les espèces d'applications qu'on peut en faire dans la vie tous les... Ben, dans la vie tous les jours, je me réveille pas le matin en faisant des calculs de Fibonacci puis okay. des nombres d'or. Je m'appelle pas Dan Brown. Mais quand même, je vais pouvoir utiliser le nombre de Fibonacci pour construire le rectangle d'or. Okay. Et le rectangle d'or est en fait construit à l'aide de carrés dont les côtés sont égaux au nombre de Fibonacci. Si vous écrivez dans le fond le rectangle d'or sur Wikipédia, vous allez pouvoir facilement trouver de quoi il s'agit. Mais c'est habituellement l'espèce de rectangle que quand on trace une spirale à l'intérieur, la spirale correspond aussi à une spirale mm-hmm. de Fibonacci. C'est le genre de coquillage qu'on voit souvent. Exactement. Sur oui, tout à fait. Ben, dépendant où vous allez sur Internet. Oui, c'est ça exactement, ce que vous cherchez. Aussi. Exactement. Et dans la vie de tous les jours, si on peut y aller plus atteignable, par le commun des mortels. On peut parler des films dans lesquels font apparition les suites de Fibonacci, mm-hmm. ou du moins qu'on en discute, ça, ou du nombre d'or également, qui est tout à fait en lien avec la suite de Fibonacci. On parle par exemple du film Pi de Darren Aronofsky, un de ses moins connus, mais qui parle outrageusement du concept des mathématiques dans la signification de pourquoi on existe sur la planète, mettons. Il y avait le nombre 23, le film avec Jim Carrey, qui en parlait. Oui. Également un petit peu. Le gars, il est freak, man. Freak, ben, le livre de Dan Brown, donc de Da Vinci Code, qui a fait un film assez médiocre, ben, plus ou moins bien reçu par la critique, là. Ça dépend des goûts, mettons, qu'on en parle énormément du nombre d'or. Et finalement, dans Nymphomaniac de Lars von Trier, le fameux film avec Charlotte Gainsbourg, où dans le film, il y a deux interlocuteurs qui parlent tout au long des deux parties du film. Et un des deux interlocuteurs est un homme vraiment qui se dit asexué, qui n'a pas vraiment de pulsion sexuelle, etc., etc. Et il commence à expliquer à la jeune nymphomane, ou du moins celle qu'on désigne comme nymphomane, il explique comment être un parfait pêcheur à la ligne en suivant la suite de Fibonacci. Donc, il explique la suite de Fibonacci par rapport à combien de poissons on pêche, etc. Et aussi, il fait un lien avec les histoires de la nymphomane qui explique combien de fois et de quelle manière elle a fait l'amour avec Jérôme, l'homme qu'elle aime, disons, en tout cas, l'homme avec qui elle fait l'amour. Elle est pas sûre, genre, ouais. T'es comme pas sûre, puis ça dit que Seligman, le monsieur, commence à compter et commence à observer le nombre de fois que Jérôme l'a pénétré, soit 3 fois vaginalement, 5 fois de manière anale, et il pensait dans sa tête, c'est Fibonacci. Fait qu'on le comprend très asexué, le monsieur. Et donc, ouais, anal. Wow. Fibovaggi. Fibovaggi, exactement. Et donc, aujourd'hui, donc, c'était vraiment difficile de trouver des chansons qui s'intitulent Fibonacci, tu sais. Non, fait que c'est bien des blagues. J'avais même pas l'intention de faire une recherche, mais tout simplement, cette semaine, dans la dernière semaine, on a perdu une grande, Dolores O'Riordan de The Cranberries. Mm-hmm. Donc, ça m'a fait énormément de peine, énormément. Et donc, je tenais absolument à jouer une de ses chansons. Donc, on va tout de suite aller écouter la chanson et ma préférée, 21 de The Cranberries. Ouais, t'as réussi à trouver une chanson avec un nombre. Yes. Ah, c'est beau. C'est Justine Bertine à Assemblage Requis. Repose en paix. Par semaine, mais bon Dieu, qu'elle est belle. couche et la mort sont deux aimables filles. Prodigue de baisers, riche de santé. Dans le flanc, toujours vierge, il trappé des guenilles. Sur l'éternel labeur, n'a jamais enfant. C'était les deux bonnes sœurs de la patère rose. Juste avant ça, on entendait trois nuits par semaine d'Indochine. On les aime bien. Ils ont toujours un son absolument démodable. Ben, ils se démodent, mais c'est tellement bon. Ça me rappelle du RBO. Et juste avant, c'était... Oui. Et juste avant, c'était 21 de The Cranberries que je tenais à mettre aujourd'hui, étant donné la récente annonce du décès de Dolores O'Riordan, qui était la lead de ce fabuleux groupe qui a bercé mon enfance. Et donc, aussi, autre petite note, les deux bonnes sœurs de la patère rose, en fait, c'est un poème de Charles Baudelaire. Ah! Mmh. Et oui, les deux bonnes sœurs, donc, qui a été repris sous forme chantée par Fanny Bloom et quelques membres de Mr. Valley qui formaient à l'époque la patère rose. Mm-hmm. Donc, super intéressant. Et si vous avez remarqué, si on fait tout notre calcul comme du monde, tout le monde, 21, 3, puis 2, 2, 3 et 21, ce sont tous des chiffres de la suite de Fibonacci. Oh! De la suite dans les idées. Ah oh, oui. Si on devait ouvrir un café geek, on pourrait appeler ça genre les Fibonacchos ou Fibonaccili. Oh my god, oui. Un menu basé sur la suite de Fibonacci. C'est malade. Mm. Merci beaucoup, Justine Renaud. Plaisir beaucoup. On te retrouve dans deux semaines, beaucoup? En fait... Non, c'est le bémol. La, la, la, la, la, la, la. Non, on n'entend rien. Non, non, c'est juste une légère pause que je dois prendre jusqu'en mars pour l'écriture de ma thèse. Oh. Parce que je me rends compte que j'ai besoin d'avoir une certaine rigueur dans mon travail. Apparemment, ouais, qu'il faut que je l'écrive ma thèse pour soutenir puis avoir mon PhD. Donc, même si j'aimerais beaucoup plus être ici que d'être en train d'écrire une thèse lourde et insipide, quoique à torche ma thèse, sérieux, ouais, bon, il va falloir vraiment que je me concentre sur mes travaux, mais ce sera momentané parce que je fais mon dépôt initial à la mi-mars. Cool. Donc, après quoi, je serai libre comme l'air pour terminer la session et voilà. Génial, ça. Si tu veux venir juste jouer de la musique aussi, tu as le droit. Ouais. J'ai pas besoin de te renseigner sur rien. Ah, bon, écoute. Merci, Justine. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Alors, nous, on a pris un petit peu de retard, peut-être une dizaine de minutes environ. Ça arrive. On prend une pause. Au retour, Dominique, notre Mavungu et Voix d'Afrique sur la... Le qui pour toi aujourd'hui, assemblage de qui. Vous êtes assez fous pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage de qui. Toujours dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oui, on a pris quelques minutes de retard, mais comme on l'expliquait avant la pause, c'est pas si pire. Non, mais c'est moins pire que bien d'autres journées de la session normale où il n'y a pas de tempête de neige. Mais là, on ne sait plus si c'est une tempête de neige, il mouille. C'est ça, c'est un peu du genre de verglas mouillé. Ouais, ça va ressembler à ça pour le restant de la journée, je pense. Belle journée. Mm-hmm. Dominique, notre Mavungu. Salut. Salut Mathieu, salut Tania. Oui, ça va aujourd'hui, c'est une belle journée. Hein? Je dirais pas, c'est parce que j'appellerais une belle sans journée. Sans commentaire. C'est ça. Sans commentaire. C'est ça. Donc Dominique Notmavungu qu'on accueille avec sa chronique Voix d'Afrique. Mavungu, notre chronique de Voix d'Afrique qui commence. À chaque semaine, on se rencontre et on parle de plein de nouvelles sur le continent africain. Musique, sport, film, télé, je sais pas, des trucs comme ça. Donc de quoi est-ce qu'on parle ensemble aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui on va parler un peu de vlog. En fait, c'est des blogs vidéo. Okay. En fait, c'est des personnes qui se filment et puis qui font découvrir aux auditeurs ou bien aux internautes leur vie et puis différentes choses. Et c'est une tendance qui a commencé à être très répandue, surtout en Afrique ces dernières années. Il y a beaucoup de personnes qui, en tout cas de vélo que moi j'ai découvert, j'ai déjà commencé par une qui s'appelle Tam, donc T2AM. Et ça s'appelle, sa page YouTube c'est Tam. Et c'est une vélogueuse du Congo-Brazzaville. Ok. Et elle vit au Congo-Brazzaville. Et donc tout au long de ses vidéos, elle fait découvrir le pays au travers de la ville aussi, au travers des différents endroits. C'est-à-dire chaque vlog, ça dure à peu près une dizaine de minutes. Et au cours de celui-ci, elle fait découvrir un peu la ville. Il y a des coins tels que les gorges de Diosso. C'est mettant comme des falaises qu'il y a au Congo-Brazzaville et tout. Donc du coup, j'ai bien aimé cette initiative-là parce que ça permet à des personnes qui ça fait peut-être longtemps qu'ils sont allés là-bas de pouvoir se remémorer un peu la place. Ah, c'était ça, et ouais, je me rappelle de ça. Ou bien, ah, ça par contre, j'avais pas vu et tout. Ou donner envie à ceux qui sont jamais allés d'aller visiter là-bas. Ouais, et c'est fun parce que c'est plus éducatif que d'autres vlogs que j'ai vus où c'était je vide ma sacoche et voici ce que j'ai acheté dans les petites boutiques de maquillage récemment. En effet. C'est comme les influenceurs, là, ils influencent pas tout le temps sur les affaires très très utiles. Non, ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça de même. C'est plus éducatif, j'aime ça. Ouais, moi en tout cas, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Et puis j'ai regardé un épisode et j'ai tout de suite accroché. En fait, j'ai enchaîné. Je me suis tapé toute la playlist du vlog. Et puis, faut dire aussi que les images, elles étaient vraiment de très bonne qualité. Elles étaient vraiment bien filmées aussi. Donc, ça donne envie de pouvoir de regarder et puis de découvrir en fait avec elle. Ben, c'est ça qui donne. Je sais pas, qui donne la popularité aux chaînes YouTube, c'est souvent la qualité de la production. C'est sûr que si c'est quelqu'un avec une vieille webcam, le son pas synchronisé. Ouais. ça a commencé comme ça pour plusieurs, mais. Maintenant, il te faut du 4K. C'est 4K. Ça dépend, là. C'est difficile à loader 4K. Ouais, sur ton vieux PC, hein. Mais même si tu l'écoutes, par exemple. Ça peut être compliqué si la personne n'a pas nécessairement... C'est de le rendre disponible pour pouvoir le regarder sur une télé 70 pouces. 70? Hein? On s'emporte sur des affaires qui n'ont rien à voir avec ta chronique. Ouais, non, continue. Continue à règle. Donc, Non, mais c'est tout ce que vous dites est vraiment vrai. En tout cas, même au niveau d'une petite parenthèse pour YouTube, pour pouvoir download. En tout cas, moi, quand je fais des compositions, mettons sur... Premiere Pro, ouais. Mettons sur Premiere Pro, quand je fais des compositions After Effects et tout, j'essaie d'uploader ça avec débit moyen, parce que si tu veux l'uploader directement en 4K, tu peux passer vraiment des jours là facilement. Ah, mais c'est ça, oui, non, il faut une connexion internet illimitée, je pense. C'est pour ça, ouais, parce que là, tu vois, je pense que tu vas passer des journées là en tout cas. Exact. HD simple, 1080p. Ça va. Mais en tout cas, mais ce que j'ai remarqué sur Premiere Pro, c'est qu'il y a possibilité de pouvoir télécharger. C'est mieux de télécharger en débit moyen. Okay. Là, tu télécharges, peut-être ça va te coûter moins de 500 MO. Okay. Et après, quand ça va s'uploader, dépendamment de la plateforme et des capacités de la plateforme, ça va s'ajuster. Ils vont faire des conversions automatiques. Si, en fait. Ça, là, c'est pas à toi de le faire. Alors que si toi, tu le fais directement, c'est là que ça va te prendre beaucoup de temps. Je comprends. C'est une bonne chose. Toi qui mets les capsules Voix d'Afrique sur YouTube, Instagram, tu connais c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ce que j'ai découvert parce que ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Donc voilà pourquoi il y a certaines épisodes, je les mettais pas parce que c'est en train de charger. Ouais. Couper en morceaux, une phrase à la fois, tu sais. C'est ça. Donc, Instagram, il y allait avoir moins de cohérence. Donc, on va passer à notre prochain sujet. On va parler un peu de sport. Oh, oui. Parce que dernièrement, sur le continent, il y a ce qu'on appelle le CHAN. C'est le championnat d'Afrique des Nations. Okay. Mm-hmm. C'est un peu comme la CAN, mais ça, c'est les joueurs uniquement qui évoluent dans des clubs locaux. OK. Tu vois, donc le championnat, tu peux uniquement participer si tu joues soit dans un club qui est situé sur le continent africain. Donc, ça permet aussi aux talents qui sont sur le continent, qu'on ne connaît pas forcément, de pouvoir avoir leur chance aussi de se faire connaître. Et puis, c'est bon aussi pour les repérages. Parce que, mettons, si les équipes nationales, elles ont beaucoup de joueurs internationaux, c'est-à-dire des gens qui évoluent en Angleterre, en Espagne, un peu dans des grands championnats. Et donc, ces personnes-là, bon, je ne dirais pas d'office, mais partent déjà avec de meilleures chances d'être dans l'équipe première. Que si un joueur qui évolue au championnat local et tout, parce que bon, il y a beaucoup d'appréhension aussi. Certains entraîneurs préfèrent des internationaux, c'est-à-dire des personnes qui ont fait leur preuve aussi dans des championnats à juste titre. Et je trouve que ce championnat il est intéressant parce qu'il permet aux joueurs locaux d'avoir eux aussi de la visibilité. Et puis c'est pas que les internationaux qui sont forcément meilleurs, hein. Parce qu'il est arrivé que des équipes où c'était composé uniquement d'internationaux, ce qui arrive quand ils viennent jouer, des fois il n'y a pas l'amour du maillot, parce qu'ils n'ont pas envie de se blesser, parce qu'ils doivent retourner dans leur club en Europe et tout, donc ils font peut-être moins d'efforts. C'est arrivé par le passé que certains pays sont un peu fâchés certains supporters se fâchent un peu contre leurs joueurs, parce qu'ils fournissaient pas les efforts qu'ils auraient dû, ils font pas le travail. Ils sont pas commandités non plus, donc j'imagine qu'ils ont pas non plus la pression des commanditaires de devoir performer à leur maximum. Exact. Ben, c'est ça en fait. Leur club même leur demande de faire le moins d'efforts possible parce qu'ils veulent pas qu'ils se blessent et tout. Ouais. Donc il y a certains joueurs qui se comportaient comme ça. En tout cas, on sentait déjà dans leur attitude beaucoup de nonchalance et tout. Ouais, un peu blasé. Ouais, un peu blasé. Ils font pas vraiment les efforts et tout. Donc, des fois, pour le public, ça peut être un peu frustrant. Tu sais, qu'ils s'attendaient à avoir un certain spectacle et tout. Parce que déjà, quand le soccer ou le football, en Afrique, dans certains pays, c'est vraiment carrément une religion. Et puis, il y a des personnes qui sont... qui te donne comme ces hommes là-dessus qui sont là, okay, ici. C'est ça. Des obsédés. Ah. Ça parle juste de ça. Il y a des personnes, elles sont à fond là-dedans et puis c'est quand leur équipe perd, des fois elles mangent pas ou elles ont de la difficulté à dormir pour une défaite. Bon, quand il y a d'autres personnes, ça les dérange pas plus que ça. Hein. C'est ça. Moi, pour ma part, je suis un fan de soccer et tout, mais je pense pas que je vais m'arrêter de manger pour une défaite. T'es tellement raisonnable. On l'espère. Merci de ne pas te tuer pour le moment. Exactement. Non, mais je me dis que voilà, je ne veux pas me tuer pour des joueurs qui vont, eux, quand même aller manger par la suite. Très bien manger. Hein. Quelle bonne réflexion. Donc, j'ai quand même besoin de mes repas. Là. Fait que... Donc, ensuite, on va poursuivre avec un peu de BD. Oh, bande dessinée, oui. C'est un sujet qu'on aborde quand même une fois de temps en temps dans ta chronique. C'est cool. Donc, parler d'une nouvelle qui s'appelle Commissaire Kwame. Mm-hmm. La pièce a été écrite par Marguerite Aboué, qui est la réalisatrice d'une série qui s'appelle Aya de Yopougon. C'est une bande dessinée qui a été tournée en Côte d'Ivoire. Elle parle d'une fille qui s'appelle Aya, justement, qui vit dans un quartier populaire d'Abidjan qu'on appelle Yopougon. C'est un quartier chaud d'Abidjan. C'est un quartier que les personnes aiment beaucoup pour faire la fête et tout, pour les activités nocturnes, parce que c'est une commune qui vit beaucoup et tout. Et les Abidjanais, ils adorent vraiment cette commune-là. Et puis c'est un peu comme un patrimoine culturel même de la Côte d'Ivoire et tout. Et donc cette écrivaine, Marguerite Aboué, là, elle a lancé une nouvelle série qui s'appelle Commissaire Kwame. C'est comme un polar, c'est une sorte de polar policier qui se déroule toujours dans Yopougon. En fait, et moi je pense que il va faire sortir le tome 1 qui va paraître très prochainement, et moi j'ai hâte de pouvoir voir ça, parce que d'autant que j'ai été un fan, et je suis un fan de Aya de Yopougon, parce que j'ai trouvé ça réellement très intéressant, le livre et tout, et surtout qu'il y avait aussi un dessin animé. Elle a fait sortir de ça un dessin animé. Ah ouais. Qui même sur en streaming et tout, moi j'ai déjà écouté, ou même sur YouTube et tout. Avant il était disponible sur YouTube, je pense, mais là je pense que la vidéo elle a dû être retirée depuis le temps et tout. Est-ce que c'est aussi beau pour toi que la bande dessinée, le dessin animé, est-ce qu'il était du calibre Moi j'ai trouvé. C'est dans le dessin que j'ai connu, et puis par la suite. Ah ouais, ok. Mais en fait, la bande dessinée, je voyais ça dans la librairie et tout, mais j'ai pas forcément acheté. Mais je savais que ça existait, je savais c'était quoi. Et là, c'est quand le film il est sorti, il y a peut-être 2 ans de ça, que là j'ai vraiment peut-être commencé à plus m'intéresser, à essayer de lire les anciennes. Et ça a été vraiment... Je suis devenu accro à comment son style de dessin et tout. Et puis après, c'est pas elle qui dessine, elle est en collaboration avec une autre personne. Donc les deux, elle fait les scénarios et lui c'est la plume, c'est le dessin. Et je pense qu'ils font une très bonne équipe tous les deux. Et puis moi je souhaite qu'ils continuent dedans. Ça a du succès, donc s'il y a eu un film, c'est que c'est quand même populaire. C'est super populaire, et pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, qui est le pays de naissance de la dame, mais vraiment partout en Afrique, et beaucoup aussi en Europe, en France. Donc elle est publiée par les éditions Gallimard et tout, c'est une grosse maison d'édition du côté de la France et tout. Donc ça, les Français, c'est un public qu'elle a réussi à conquérir en fait. Donc l'Europe et tout. Donc après, au niveau des Amériques et tout, je pense pas que ce soit encore beaucoup assez populaire ici, parce que déjà je pense que ici en Amérique il y a déjà même une forte culture même de cartoon, de BD, de dessin. Donc pour s'imposer, ça prendra un peu plus de temps, et déjà la barrière de la langue, et puis réussir C'est écrit en français à la base. C'est écrit en français à la base en fait, donc pour réussir à adapter en anglais et puis avec les mêmes touches d'humour, je pense que là il y aura peut-être un travail à faire là-dessus. Mais je pense que je suis pas sûr que le livre a été édité encore en anglais. J'ai pas fait des recherches là-dessus, mais en tout cas, y a de fortes chances et tout, et qu'elle perce aussi même un marché américain avec ça et tout. Donc moi, je regarde ça de près. T'es vendu à ça, ça va. Ouais, c'est ça, c'est vrai, certain, je regarde ça de près, et puis je trouve que ça fait du sens en tout cas. C'est quoi le titre encore? Ça s'appelle, le nouveau roman c'est Commissaire Kwame, mais l'ancien c'était Aya de Yopougon. Un petit peu plus difficile à écrire, peut-être. Ouais. Un petit peu. Ouais, donc, Aya, c'est A-Y-A, et puis le Yopougon, c'est Y-O-P-O-U-G-O-N. Cool. Ouais, pas, donc pas si difficile finalement, Mathieu. Non, c'est ça, finalement, ça s'écrit comme ça se dit. Exactement. Donc, toujours dans les séries, on va parler d'AfroStream en fait. AfroStream, c'était un service qui était censé être Netflix, okay. Mais pour les séries afro-américaines. Qui était censé, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Ouais, c'est ça? Non, ça n'a pas vraiment fonctionné comme l'auteur l'espérait. En fait, c'était un projet qui a été mis en place par Tanger Bakang. C'était le promoteur du projet. C'était un franco-camerounais qui voulait partir sur ce service-là pour essayer de se faire une place dans... Il y a un marché pour ça là-bas, c'est ça. Oui, il y a un marché pour ça, parce que lui, il est basé en France. Okay. Et puis, il voulait que le service soit... qu'il soit diffusé partout, en fait. Comme Netflix, il n'y a pas de frontières. Oui, dans le sens que si t'es un Africain qui est venu, je sais pas, en Amérique du Nord pour s'installer, ouais, tu veux pouvoir regarder tes séries. C'est ça, retrouver toutes tes séries et tout. Et donc, c'était ça l'objectif, en fait. Mais là, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Et là, je pense que le service s'est même planté. C'est fermé là, complètement. Là, ils ont pas prévu de renouveler les abonnements qui sont en cours de cette année. Et puis donc là, ils sont sur le bout de la fermeture. Et bon, moi, je sais pas quelles ont été les principales raisons de ça. Est-ce que tu étais abonné? Moi, non. Non, tu vois, c'est à cause de toi. Te fait fermer ce site-là. Non, mais... En fait, moi, l'une des premières raisons, je sais pas, je dirais peut-être, il y avait la quantité, peut-être. Le contenu, c'est souvent le ça. Contenu, hein, comme sur Netflix, en français, il n'y a pas grand-chose. C'est ça qui fait que ça fonctionne pas autant que ça pourrait fonctionner. C'est ça, en fait. Donc moi, je me dis que l'une des premières causes, ce serait peut-être un contenu peut-être qui est assez... qui n'est pas... assez moyen, en fait. Parce que, genre, des productions afro-américaines qui sortent souvent... J'en connais pas tant que ça, en fait. Je sais qu'il en sort, le cinéma afro-américain, il y a quand même de beaucoup de films qui sortent, mais pas à un rythme aussi effréné que Netflix, en fait. Parce que Netflix, ils font des séries, je sais pas, ils font des séries chaque jour, ou même ouais, chaque... c'est ça, ils en sortent tout le temps. Ouais. Chaque semaine, pour tous les goûts, je sais pas comment ils font pour filmer autant de choses en si peu de temps, mais... Pour réussir à... Mais eux, ils fonctionnent et le budget est vraiment là, comparé à, j'imagine, AfroStream, c'est ça? AfroStream, c'est ça. Peut-être, étant donné le contenu, c'était peut-être pas si cher que ça, ou peut-être pas assez d'argent pour pouvoir produire pour pouvoir produire. Mais après, AfroStream, en fait, je sais pas si eux, ils produisaient les séries. Ça, peut-être pas au début. Je pense qu'eux, ils c'était plus des contenus déjà existants. Ils distribuaient les émissions. Qui distribuaient. Donc, je pensais que c'était des contenus originaux, réellement AfroStream. Donc, je pense que ça aussi, ça peut être jouer un rôle aussi dans le fait que la plateforme n'a pas donner l'effet souhaité, en fait. Parce que si c'était peut-être un contenu vraiment original... Je pense que c'est peut-être ça qui a aidé Netflix. Au départ, House of Cards, Orange is the New Black. Exactement. Faut que t'aies quelque chose d'exclusif pour que les gens soient forcés à s'abonner à ton service. C'est ça, en fait. Donc, peut-être il a manqué cette exclusivité-là dès le départ. Donc, ça a peut-être rendu les choses peut-être difficiles pour le service. Il aurait fallu un petit investisseur là, qui donne un gros paquet d'argent au site dès le départ. Tout le temps comme ça. Ouais, c'est ça. Si, pour pouvoir permettre de décoller et tout, pour pouvoir produire même des séries. Sinon, les acteurs, il y en a. Hein. Je pense que les acteurs, les scénarios, les espaces, c'est peut-être ça qui manque, mais peut-être les moyens et puis le contenu a dû sûrement manquer parce que moi, j'ai pas regardé ça, mais c'était des films et tout. C'était bon. C'est vrai que c'était des trucs afro, mais c'était du contenu qu'on aurait pu retrouver ailleurs et pas c'est ça. Que forcément sur cette plateforme, en fait. C'est du BET ou les chaînes américaines de diffusion d'émissions de ce style-là. Il y en a pas tant que ça, comme tu l'as dit, aux États-Unis. Donc, c'est ça, en fait. Ouais. Donc, je dirais que ça a été une des causes de cet échec-là. Mais après, j'appellerais pas ça peut-être un échec, en fait. Donc, on lui souhaite de pouvoir apprendre de ça. Ouais, ou que quelqu'un d'autre apprenne de leurs erreurs et commence quelqu'un d'autre complètement. Ça pourrait être... C'est ça, ça pourrait être. Mais parce que là, je vois que le cinéma aussi, en Afrique, en tout cas, les séries, ça commence à avancer parce qu'il y a de mieux en mieux les moyens commencent à être mis. Et puis les moyens, tu sais, déjà au niveau des caméras, au niveau de la qualité de ce qu'ils font et tout, les séries, elles commencent à monter aussi en grade et tout. Déjà, ils utilisent maintenant des 4K et tout. Et ils sont quasiment aussi bons que les vloggers. Ouais, quasiment. Fait que je pense qu'ils sont même une coche au-dessus. Peut-être un peu. Sûrement. Une coche au-dessus des vloggers. Donc, du coup, va falloir regarder ça. On attend qu'il y a peut-être une autre personne qui fera un autre AfroStream. Ou qu'il y aura peut-être de nouvelles solutions qui pourront être prises aussi. Et puis après, moi, je pense aussi que peut-être une chose aussi qui a peut-être ralenti, c'était peut-être la le fait que ce soit pas sur mobile aussi. Ah ok, ouais, ben oui, c'est sûr que de nos jours t'as pas le choix d'être sur mobile en ouais, premier presque. C'est ça en fait. Donc du coup c'était un site ordinateur et tout, et puis déjà l'abonnement. Et étant donné que c'était un truc afro, moi je pense que ben, il a, je sais pas si l'objectif était de capitaliser sur les afros vivant à l'Occident ou bien les afros vivant en Afrique en fait. Donc là je sais pas si le partage a été fait pour qui, c'était qui était visé en fait concrètement. Donc ça a peut-être eu une confusion à ce niveau là. Parce que moi je pense que j'y aurais été plus avec ceux qui vivaient même en Afrique en fait. Okay. Donc, mais après... Parce que de toute façon, tu avais d'autres façons de regarder les émissions. Tu disais, de ce côté-ci, tu peux regarder sur YouTube. Tu disais qu'il y avait des... est-ce que tu as dit que tu avais des chaînes télé aussi africaines? Oui, on avait des chaînes télé aussi qui permettaient de regarder les émissions et tout. Donc, du coup, il y avait moyen de pouvoir passer... de pouvoir plus cibler un public africain. Je pense que s'il avait laissé l'Europe et... aller vraiment vraiment au cœur même de l'Afrique et tout, et puis aller prendre les personnes et puis qui avaient du contenu original, je pense que les personnes auraient adhéré en fait. Et il n'y a rien qui t'empêche de permettre aux gens en Amérique du Nord aussi de s'inscrire, mais de focusser sur l'Afrique en tant que au début et faire de la publicité là-bas. C'est faire de la publicité là-bas en fait, pour que les personnes de là-bas même adhèrent aux séries et puis prendre des acteurs justement pour rapport au contenu originaux, que les séries peut-être soient tournées là-bas et tout. Ou bien, tu sais, pour que ça, les personnes se trouvent plus impliquées, en fait. Par exemple, je pense qu'une série qui est tournée peut-être au Congo, ça interpellera plus un Congolais, en fait, qu'une série qui met en scène des Congolais, mais en Amérique, tu vois. Je pense que si c'est bien tourné et que c'est fait au Congo, tu sais, les personnes, tu sais, même les personnes des Congolais qui vivent à l'extérieur sont là, ouais, j'aimerais regarder ça parce que là, ça a été tourné. Ah ouais, je connais là, non, je connais telle place. Puis, ils se sentent plus dans le truc, en fait, que quelque chose qui est loin de lui et tout, ou bien... qu'on lui montre des séries qu'il a déjà vues. C'est ça. Ou bien que tu sais qu'il avait d'autres moyens forcément de voir en tout cas. Donc je suis bien d'accord avec ça. Une autre fois peut-être que quelqu'un va pénétrer ce marché. Une autre fois peut-être. Donc voilà, donc ensuite on va terminer en musique. Oui. On va parler de rap en fait, de rap qui est l'un de mon style de musique. Ta spécialité, pas mal. Ouais, on va se le dire. Hein. Est-ce qu'on a déjà fait jouer autre chose que du rap? Ben, je pense que techniquement, t'as fait jouer des styles de musique qui sont dans la famille du rap, mais qui n'étaient pas techniquement... T'as fait ça du dream rap, c'est quoi? Cloud rap. Je me disais rêve, nuage, c'est la même affaire. Ouais, cloud rap. Donc du coup j'ai parlé d'un rappeur qu'on appelle Azur. Donc c'est A-Z-U-R. Et c'est un rappeur que j'ai connu parce que c'est un ami à moi en fait. Que je connais en fait, on était dans la même école en Côte d'Ivoire et tout. Et il fait du rap. Et depuis l'année passée il m'a envoyé un son là. Ça fait un bout qui n'a pas fait sortir des choses et tout. Et puis dernièrement j'étais au gym et j'ai trouvé que ces sons étaient excellents pour faire du sport. Et je trouvais que c'était... Ben, il rappe principalement en anglais et tout. Et je trouvais qu'il faisait vraiment les sons. Ils avaient vraiment un style... C'est un style un peu américain et tout. Et il rappe principalement en anglais avec un flow un peu comme, tu sais, ASAP Rocky et tout, avec des instrus un peu rock sur du rap et tout. Donc c'est un style qui est vraiment, en tout cas, que j'ai trouvé très original. Et quand j'ai réécouté, j'ai dit « Ah ouais, quand même, c'était bon, en tout cas, c'est vraiment une bonne musique pour faire du sport. » Et en ce moment, le rap, il y a un vrai engouement sur le continent africain au niveau du rap et tout, et puis ça ressemble de plus en plus, c'est beaucoup occidentalisé, surtout au niveau même des habits, de ce que les personnes portent et tout, même des bijoux et tout, tu vois, je prends l'exemple même du Nigeria. Ils n'ont rien envie à peut-être une personne qui vit aux États-Unis et tout, hein, côté bling bling. Ils font pareil. C'est l'importance du rap. L'apparence. Le bling. Exact. Donc ils ont tout ce que tu veux, Rolex, chaîne en or ou diamant, tout. 3-4 madames autour. C'est ça. Semi-habillé. Ouais. Donc voilà, au Nigeria en tout cas, même sur l'ensemble même du continent, je pense que c'est dû au fait aussi de la vulgarisation d'Internet. Parce que maintenant tout le monde sait à Snapchat, Instagram et tout. Donc tu vois comment les autres font, comment les... Ben, c'est que la barre a été établie, là, vu que tout le monde a accès à ça, faut que tu dépasses ou que tu égalises au moins cette barre-là. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Ouais. Et donc les jeunes africains et tout, ils ont compris ça facilement et tout. Donc ils mettent beaucoup maintenant beaucoup de styles, les chorégraphies elles sont plus travaillées. Donc au niveau même des clips et tout, des vidéos et tout, elles sont travaillées aussi. Donc du coup, moi je pense que ça va le faire en tout cas, ouais. au niveau du rap, pour l'avenir du rap en Afrique. Cette année, ça sera une belle année de rap en tout cas. Je m'attends à avoir beaucoup de bons titres de partout, sur de tous les rappeurs qui évoluent sur le continent et tout. On s'attend à ce que tu nous en amènes un par semaine. Mm-hmm. Ouais, c'est ça en fait. Donc c'est ça, du coup, c'est ça, Azur. On va terminer, je pense, là-dessus. Je pense que Azur, A-Z-U-R. Et le son, c'est Trap Vibe. Trap Vibe, c'est ça? Ouais. Trap Vibe. Je pense que c'est écrit avec un X et tout. Mais avec un X où, ça? Quelque part, Mathieu. Azur. Non, Trap T-R-A-P? Ouais, Trap T-R-A-P. Mais où, sur SoundCloud? Ça doit être ça, hein, ça doit être ça. On s'en reparlera de se le dire à la fin. Des fois, ça va aller mieux. Azur, Trap Vibe. Est-ce que je l'ai? Ouais, je non. Pense. Non? Oui, non. Non, oui, non. Non, non, je l'ai pas. Caroline, je l'ai pas. T-R-A-P, V-I-B-E. Azur, ouais. A-Z-U-A. Ouais, A-Z. Ben, tu peux juste taper sur. Tu vas le voir sur SoundCloud. Ok, j'y vais. Désolé pour le délai radio. Vas-y Mathieu, merci. Tu vas y arriver. J'ai confiance en moi autant que j'ai confiance à en vous, toi. Hein. On est chacun là pour l'autre. Hein. Donc il est. Eh boy, travail. Non, non, non, je le vois pas. C'est pas grave. On va prendre une légère pause et après ça, on va trouver ça puis on va jouer ça. C'est merci ça. À Dominique Nodmavungu. Et merci d'avoir partagé ce malaise avec nous. On n'avait pas encore eu de retard dans l'émission avec Dominique et on n'avait pas encore eu c'est de vrai. Gros malaise. Donc, et là, les deux en même temps. Les deux en même temps. Donc, belle émission à tout le monde. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À son âge de qui toi aujourd'hui. À son âge de qui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Voici maintenant l'Info Campus, présentée par le journal Zone Campus. Participez au sondage de la GEUQTR sur SurveyMonkey et courez la chance de remporter une carte cadeau de 50$ de la Coopsco. Le premier s'intitule « Une AGE à ton image » et le deuxième « Sondage sur l'ajout d'un service d'aide psychologique aux étudiants ». Si vous n'avez pas reçu ce sondage dans votre courriel, veuillez contacter Émilie Tousignan, adjointe administrative de l'AGE-UQTR, au 819-376-5067, poste 2660. Lors du dernier gala Sport Hommage Mauricie, trois étudiantes de l'UQTR se sont illustrées. Laurence Vincent-Lapointe a gagné le prix de athlète féminine par excellence de niveau international pour ses exploits en canoë-kayak. Marie Charbonneau-Genet, athlète mondiale d'Ultimate Frisbee, est récipiendaire quant à elle de la toute nouvelle bourse d'excellence Sport Hommage UQTR de la Corporation du sport interuniversitaire de l'Université. Mentionnons également la nomination d'Audrey Marcoux de l'équipe de volleyball des Patriotes. Audrey était nominée comme athlète féminine par excellence de niveau canadien, sport collectif. Félicitations aux trois athlètes. L'UQTR tiendra le 27 janvier prochain sa journée porte ouverte hivernale entre 10h et 15h au Hall Gilles Boulet. Des informations sur les différents programmes scolaires et services, comme le logement, la vie parascolaire et les prêts et bourses, seront à la disposition des visiteurs. Nous souhaitons terminer cette capsule d'Info Campus en souhaitant à tous les participants et participantes du Carnaval de l'UQTR une belle semaine remplie de plaisir et de souvenirs mémorables. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. Aujourd'hui, assemblage de qui? On a travaillé si fort! On a travaillé si fort pour que ça fonctionne! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je sais pas! Caroline, attends un petit peu, on va repartir ça. On essaie. Aha! Azur! Ah, soulagement. Avec Trap Vibe. Ouais, assemblage Rocky. I burn my nigga, baby, on a beat. Fuck, man! Right. Hazer. Yeah, it's a good day. Yeah, it's a good day. I take it for the right way. I take it for the right way. I take today's Friday, so we're gonna put the bottles all hard tonight, hey. Right. Oh, you laughing by an ashtray. Right. I'ma do it all I want, cause it's my day. Please, baby, let me show you how you're gonna play. She tell me put the hands on the right way. Goddamn. Fuck your lawyers for your niggas. Why they see me, why they going low, low? No, no. I'm a super cause my dick is very long. They wanna suck it down, tell them no, no, no. New house, new whips, need no more. Right. I'm about to leave that like they can't fall. Look that you like the time for. DJ play my shit, yeah, I see you on the dance floor. Dance, nigga. What's the matter, what's the problem? What? Niggas tear, hate it on the floor. Better know it's over on the horror now. What? Take your phone, turn on the camera now. What's her name, she said my coroner. The government fucked the paper, so I think it's legal to tell I'm a cover. Yeah. Nah, how the world know? All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. Bitch, I'm all about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. Bitch, I'm all about the Trap Vibe. Hold up by the Trap Vibe. Hold up by the Trap Vibe. Hold up by the Trap Vibe. Look at me, bitch, I'm rapping for ya. So listen, or I got shot on your head. Able V hater, I got the death note. So suppose that they are already dead. Mining tape and my EVS MC. Like the gods in the game. Look me a channel, I really raise the level. You stay in your fucking shame. Pac-Man, I'm black, so KKK, fuck. KKK, bitch, like my dick like lollipop. Represent legal library in Dragon Ball. Try to ask my mama, oh me, I destroy your ball. I don't see it, I'm like blind. Brain full of paper, Bob Marley Mike. Green is my space, I speak some blood. Double R for the rest, I think so fun. Ella, Olds. This is Mac. All up, Paul. iPhone to Mac. Iron is all my clique. Always was supreme. Last chase on my feet. Fuck her, you're supreme. Fuck, fuck, fuck. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. Bitch, I'm all about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. All about the shit, nigga. All about the Trap Vibe. Yeah. Bitch, I'm all about the Trap Vibe. All about the Trap Vibe. Right. Bitch, I'm all about the Trap Vibe. Trap Vibe. Trap Vibe. C'était donc Azure sur une chanson de PB Pac-Man, donc featuring Azure avec Trap Vibe dans la chronique Voix d'Afrique avec Dominique Nomabougou. On a fini par se rendre, hein, mais oui. Finalement à cette chanson-là. Ça a été compliqué, mais on l'a eu. C'est sûr, hein? Qu'on allait y arriver. On a écouté entre-temps l'Info Campus et ce qui suit l'Info Campus cette semaine, c'est de parler du carnaval étudiant. Exactement, parce qu'hier avait lieu la première journée de festivité. Ça l'a crié un peu partout dans les pavillons, les différents pavillons. On a eu beaucoup d'activités aussi. Alors, on recommence tout ça aujourd'hui et on le rappelle tout à l'heure, on a parlé un petit peu avec Marc-Olivier du Café Belaise qui est disponible au 10-12 aujourd'hui, oui, 10-12. À cause de la température. Je sais pas si un jour cette semaine ils vont pouvoir le faire à la chasse-galerie tel que prévu sur la terrasse. On sait pas encore. Apparemment qu'à 10h, il y aurait compétition de sculpture à l'extérieur. Boy, ça va se faire tout seul, ça. C'est ça. Informez-vous à savoir si ça aussi ça existe encore aujourd'hui. Sinon, à 11h, on a le bain de neige. On se rappelle, ça, c'est quelque chose de très populaire. On saute presque pas à bien, en fait, dans un bain de neige pour la plupart des délégations. Ça va faire des brûlures, des engelures, ça. Ça va être excellent. Par la suite, à midi, c'est le Bubble Soccer. Et si je me rappelle bien, ça se déroule sur le terrain de soccer qui se retrouve à côté du Caps. À côté du Caps, exactement, là, celui qui est en mauvais état. Ouais. Et par la suite, un petit peu plus tard dans la journée, eh bien, on a des reproductions artistiques. On a aussi des jeux vidéo. On a une soirée Dieu de la danse et aussi des artistes musicaux à partir de 22h ce soir. Alors, si jamais vous vous posez la question, mais qui est est en spectacle. Ouais, c'est qui? C'est Dance Laurie Dance avec Appetite for Democracy ce soir au 10-12. C'est cool ça. Donc, deuxième jour du carnaval en direct sur le campus de l'UQTR. On va suivre ça pour le reste de la semaine aussi. Je savais pas que Dance Laurie Dance existait encore. Ouais, ben oui. Ben oui. Mmh. Je viens d'apprendre quelque chose. Éducatif à matin encore. Ben oui, écoute, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Ah, pour vrai? Ouais. Ça ressemble à gueuler. Ben. Ouais. Il fut un temps où j'avais plus de crayons noirs autour des yeux et des pantalons cargo verts avec un coq sur la tête. Les photos de ça sont détruites. Hein, sont fortement détruites. Fortement. Elle les a effacées, elle a réécrit par-dessus le disque dur. Je les ai imprimées, je les ai brûlées juste pour être sûr. Ah, voilà. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Entre-temps, on a réussi à avoir aussi Jimmy Thibodeau qui, lui aussi, j'imagine, a eu des problèmes sur la route. Ben, un peu. C'était très glissant, oui. Ça, c'est ouais, ça. Hein? Tout le monde a eu de la difficulté aujourd'hui, mais tout le monde s'est rendu. On est des braves. Il y a juste toi qui n'as pas de voiture, qui a des crampons à souliers puis qui réussit à survivre, Mathieu. Oui, j'ai réussi. Je suis arrivé dans les temps et tout. On a commencé oui, à l'heure. Oui, exactement. Bref, Jimmy Thibodeau qui est là pour sa chronique Gauchère Bévue. Bonjour à toi. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Ça va pas bien. Ça va pas bien, Jimmy? Comment ça? Ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? À cause de l'UQTR qui ferme l'université après les heures d'ouverture. Hey, c'est la plus grosse histoire de l'année, ça. Je pensais quoi? L'UQTR ferme aujourd'hui, mais non, ça, c'est des faux espoirs. C'est ça. C'est ça. L'UQTR ferme jamais, sauf entre 22h et 7h du matin. Sauf qu'il n'est pas censé. Mais non, mais apparemment que ça existait déjà, cette règle-là, n'est-ce pas, Jimmy? C'était une règle qui était déjà écrite, mais qui n'était pas nécessairement enforcée, c'est ça? Oui, mais des fois, tu sais, comme en philosophie, on a le débat entre la déontologie, il faut tout le temps respecter certaines règles fixes. Puis l'utilitarisme, où là, il faut vraiment faire ce qui plaît au plus de nombre possible. Ben, c'est ça, aider le monde à étudier, peut-être. Ben, c'est ça. Mettons. Des fois, la déontologie, des fois, elle peut juste passer le bord, puis on s'en fout là, un petit peu. Ça fait que, ouais. Donc, les gardiens de sécurité qui mettent les gens dehors à partir de, je crois que c'est 22h, 22h30 le soir, la semaine, et c'est 17h quelques la fin de semaine. J'ai pas les heures devant moi, mais quand même. Et ça ferme pour la nuit. Même ceux qui sont là pour une réunion comme l'Assemblée du conseil d'administration de la GE, ils ont dû aller à la chasse-galerie. C'était incroyable. Où seront mes grandes nuits d'études nocturnes, ben, c'est un pléonasme, mais nuits d'études jusqu'à 3-4 heures du matin. Ouais, parce qu'on sait que les cafés Morgan, tout ça, ça ferme, ça ferme aussi. Mais l'article du journal Zone Campus sur zonecampus.ca sur la page Facebook mentionnait qu'il y avait des permissions spéciales qui étaient données. Il faut juste le demander à l'avance. Donc, j'imagine que 24 heures d'études va pouvoir continuer malgré tout. Ouais, mais c'est dans ça. Dans un pavillon précis, dans un local précis. Les locaux d'études qu'il faut réserver d'avance, il y a une offre limitée aussi. Là, ouais, fait que moi, je demande. Je suis très sceptique par rapport à ça. Puis à Montréal, t'en as plein des cafés 24 heures, mais ici, on n'a rien à Trois-Rivières. C'est un service essentiel. Là, pouvoir étudier à quelque part dans un endroit public. On n'a pas de pharmacie 24 heures, on n'a pas d'épicerie 24 heures. Trois-Rivières, c'est mort pas mal. On n'a rien, c'est vraiment. On en avait très dans le temps. Oui, je me rappelle. Oui. Je me rappelle aussi. Ça revient un petit peu à la Suisse. Mais en fait, quand j'ai fait mon séjour d'études de 6 mois en Suisse, mais là, on est vraiment dans l'anecdote, puis on n'est pas dans ma chronique encore. Okay, là, mais on aime ça. On veut la savoir, ton anecdote, vas-y, ben, Jimmy. En Suisse, j'ai passé 6 mois là-bas, puis tout ferme. Les commerces ferment la plupart à 5 heures du soir. Les cafés, les restaurants. Ben, pas les restaurants. Les restaurants ferment tard, vers 23h, minuit. On va-tu souper, chérie, à 16h? Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça arrive jamais en Suisse. C'est tout le temps vers 19h minimum, puis encore là, c'est tôt pour eux autres. Mais sinon, tout le reste ferme à 19h ou même 17h pour la plupart des commerces. C'est vraiment le bordel. Puis à l'université aussi, ça ferme à 22h30 tout le temps, tous les jours. Wow! Ouais, ben sachez-le, hein, maintenant, ils sont vraiment à cheval sur ces principes. Fait que tu fais quoi le soir? Ben, le soir, en Suisse, on peut juste... sortir? Ben, si tu veux vraiment travailler, tu peux aller au McDonald's à côté, puis c'est ça. Ah, OK. C'est okay. Ce que je peux faire. Puis je pense même lui ferme un petit peu comme celui à Trois-Rivières. Fait qu'au final, tu es pris pour être dans une salle commune, dans un bloc appartement, parce que tu peux vraiment pas travailler dans ton propre appartement. Pis, ouais. Voilà, c'est ça. Mais peut-être que les Tim Hortons vont se ramasser plein d'étudiants. Ah, ça c'est 24 peut, ça. Heures. T'as raison. Ah, peut-être. Est-ce qu'il y avait Wi-Fi gratuit? Il y avait une grande foule à l'UQTR le soir tout le long de la session quand même, je sais quand pas. Quand même. En tout cas, moi, les fois que j'ai étudié jusqu'à tard à l'UQTR, il y avait quand même une bonne dizaine, vingtaine de personnes. Mm-hmm. Hein. Ben, j'ai pas fait tous les pavillons non plus. Là, mais... Je le savais pas. Le pire dans tout ça, là, C'est que ma chronique, c'en est une longue et ardue. Oh boy. Ben, vas-y. Ben, oui. C'est déprimant, ça, là. On a pas envie de vivre ça, là. La tempête dehors, tout ça. Ben, c'en est pas facile, là, okay. Ce matin. Je vais donner quelques petites pistes de réflexion sur les trucs par rapport au mouvement MeToo, là, avant. Ouais. Là, puis j'avais dit... fait que ceux qui me suivent plus ou moins ma chronique se demandent peut-être si j'allais en faire une à un moment donné, une chronique là-dessus. Ben, je vais en faire une aujourd'hui autour de ce truc-là. Le consentement et tout? Ben, le consentement... La notion de consentement, je ne toucherai pas, en tout cas pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Là. Puis de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire là, de ma perspective, c'est-à-dire une chronique de gauche qui critique certains trucs de la gauche. La notion de consentement, vraiment rien à dire là-dessus, pas du tout. Mais plutôt par rapport aux questions qui sont soulevées par les vagues de dénonciation qui se regroupent principalement autour du hashtag MeToo depuis plusieurs même mois, je pense, n'est-ce pas? Et du nouveau Time's Up. Mm-hmm. Du nouveau Time's Up aussi, tout à fait. Et avec d'autres controverses qui sont arrivées avec ça aussi. Je vais parler un petit peu de certaines questions qui sont soulevées. Pas nécessairement des dérapages. Là. Il y a eu certains trucs qui pourraient être construits comme des dérapages, mais ça, c'est controversé. Mais ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. Fait que je vais y revenir au fur et à mesure. Il y a quand même quelques trucs importants puis intéressants à soulever. Mais juste avant de vraiment comme me mettre à critiquer, là, juste rappeler peut-être recentrer le débat puis pas faire en sorte que cette chronique-là soit une critique du mouvement MeToo. Pas du tout, c'est pas le but de l'exercice, là, vraiment, mais vraiment pas. Moi, personnellement, je suis aussi pour ce mouvement-là. Je trouve qu'il y a plein de bienfaits vraiment indéniables. Mm-hmm. Tu veux dire dans le fait de dénoncer les choses qui sont passées? Tout à fait, sur les réseaux sociaux, entre autres. Je trouve que c'est un mouvement de dénonciation qui a vraiment mené à des actions concrètes. Oui, il est temps que ça se fasse et ça a mené vers quelque chose. Ben, c'est ça. Puis je trouve que ça répond à un besoin vraiment très criant. Dans les systèmes judiciaires nord-américains, on peut pas vraiment... puis même en européen aussi, puis dans le reste du monde, tant qu'à y être. C'est vraiment extrêmement difficile de prouver en cours une agression sexuelle. Puis même si c'est difficile à prouver, ben en fait, il y a un très, très faible pourcentage. Je pense que c'était 1% à un moment donné que j'avais vu. Des cas où il y a vraiment une inculpation là, du présumé agresseur. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment très déprimant. Puis comment veux-tu prouver ça? Ben c'est ça. Puis en plus... le fardeau de la preuve souvent est mis sur le dos des victimes dans ce genre de situation-là. Fait que t'as la défense qui fait des interrogatoires extrêmement serrés. Puis c'est vraiment extrêmement traumatisant. Là, tu vas. Un avocat de la défense peut vraiment comme essayer de trouver des contradictions dans ton discours, te bombarder de questions, mais quelqu'un qui est traumatisé par une agression sexuelle, c'est pas une expérience le fun, mais pas du tout. C'est de revivre ce que t'as vécu. Ben, revivre ce qu'on a vécu, puis se faire bâcher, puis solide. Là. Fait que, pourquoi t'as pas dit ça avant, etc. Ouais. etc. Fait qu'il y a beaucoup de défaillances dans le système judiciaire. Ça, sans nécessairement remettre en cause le principe de innocent jusqu'à preuve du contraire. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont vraiment très, très difficiles dans le système judiciaire, puis c'est bien qu'avec un mouvement MeToo, on est une autre alternative. En système judiciaire, une autre parenthèse par rapport à ça. Puis les preuves aussi, il faut quasiment avoir des preuves physiques aujourd'hui, mais mettons, tu as une personne qui se fait violer, mais là, cette personne-là n'ira pas prélever des échantillons tout après à l'hôpital. Ouais, c'est ça. C'est ce que le système judiciaire veut souvent, la plupart du temps, mais qui a le courage de faire ça? Là, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de détermination. Il a racheté une couette de cheveux. Ben, c'est ça. C'est vraiment très difficile. Puis moi, je trouve que le mouvement MeToo permet de faire une sorte de justice alternative où vraiment on dénonce publiquement des gens, puis il y a un exercice de conscientisation puis de dénonciation de certaines personnes. Donc, s'il y a certains agresseurs, par exemple, qu'ils ne sont jamais accusés au niveau judiciaire, bien, au moins, on reconnaît leur tort dans le monde public, puis ça revient contre eux d'une certaine manière. Fait que ça, c'est un petit peu, encourageant de voir ça. C'est un petit peu satisfaisant, un minimum en tout cas. Puis tout ça permet d'encourager aussi, évidemment, les autres personnes à dénoncer, les victimes. Ça a fait vraiment une vague de dénonciation. Ça donne plus de courage aux gens parce qu'on se sent en groupe. C'est vraiment très important, à mon sens aussi. Puis ça a permis une grande réflexion de fond sur une panoplie de sujets super intéressants. Ça a encouragé beaucoup de témoins, par exemple, des situations comme celle-là, à prendre la parole, à vraiment dénoncer eux-mêmes. Puis c'est ça, puis ce qui est vraiment, on avait vu entre autres là, dans le monde du showbiz, il y avait beaucoup de règles du silence autour des agressions, entre autres Harvey Weinstein, qui est vraiment un très très bel exemple. Harvey Weinstein qui faisait plein d'histoires, vraiment, c'était débile. Il y a plein d'anecdotes où il y avait plein de témoins, puis il s'est rien passé. Entre autres, Quentin Tarantino, il en a vu des affaires passer, puis il a travaillé avec Weinstein pendant plusieurs années. Plusieurs films sont produits par Weinstein. Pulp Fiction, Kill Bill, puis même Django, tous ces films-là ont été produits par Weinstein et réalisés par Tarantino, puis donc sont des amis, ben, des collègues de longue date. Puis il en a vu passer des affaires, puis il n'a jamais rien dit, Tarantino, puis il a dit qu'il a regretté. Ça a permis une réflexion vraiment de fond là-dessus. Donc il a dit qu'il avait vu des choses. Ah oui, il l'a dit. Il a dit qu'il n'était pas juste au courant de oui dire, il a dit qu'il en savait assez pour savoir qu'il s'est passé des choses. Mm-hmm. Entre autres, une de ses ex, Tarantino, s'était plaint à Tarantino qu'elle avait été agressée sexuellement par Weinstein. Puis il n'a rien fait non plus, Tarantino. Mmh. C'est un exemple assez parlant là, à ce niveau-là. Il y en a d'autres, mais ça, c'est un exemple parlant. Puis ça permet une réflexion de fond aussi sur la notion de témoin. Il faut quand même dénoncer. Tu sais, mettons, c'est pas normal que quand il y a une agression physique, on dénonce super facilement, plus ou moins relativement. Mais quand c'est une agression sexuelle, c'est comme beaucoup plus tabou, la dénonciation. Donc là, c'est sûr que ça a permis vraiment une belle réflexion à ce niveau-là. Fait que ça, moi, je suis vraiment content de ça. Puis ça permet aussi une réflexion sur les comportements sexuels et de drague qui sont appropriés ou inappropriés, que ce soit en société en général, mais aussi au travail, dans le show business. Ça a vraiment permis une révision de notre culture un petit peu de la sexualité. Ça, je pense que c'est un travail qui est vraiment extrêmement important, même si des fois, ça s'en va dans des directions que je trouve un petit peu questionnables. Mm-hmm. Mais c'est une réflexion de fond qui est super pertinente. Je trouve qu'on se pose des questions vraiment super cool, puis je suis vraiment content qu'on en soit rendu là. Fait que c'est ça. En général, le mouvement MeToo, c'est positif. Fait que là, j'ai comme un peu déballé tout mon sac à ce niveau-là. Fait que je suis vraiment très, très content de ce truc-là. Moi, je suis pour ça. Cela dit, c'est ça. J'ai quelques questions par rapport à ça. Je me demande, ouais, mais est-ce que ça va pas trop loin dans certaines circonstances? Puis c'est ça. Ce qu'on appelle, beaucoup de gens vont dire, la chasse aux sorcières, en ce moment. Ben, il y a un petit peu cette dimension-là où je vais revenir bientôt. Mais effectivement, des fois, ça va un peu loin. Mais un des premiers trucs que je voudrais parler, que je vais pouvoir mettre de côté rapidement quand même, parce que c'est un sujet pas mal qui est moins relié aux autres. Ben, ça, c'est assez intéressant parce que j'avais une collègue en philosophie qui avait relevé ce point-là, puis je trouvais ça super pertinent. En décembre dernier. Puis cette personne-là m'avait dit, nous avait dit en groupe, ouais, mais tu sais, les gens, tu sais, c'est important de dénoncer et tout, mais tu sais, les femmes qui se font agresser puis qui ne veulent pas justement dénoncer. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, est-ce qu'on devrait respecter le fait? Est-ce qu'on devrait respecter ce choix-là? Exactement. Parce que là, avec la logique du MeToo, il s'est comme développé une sorte de logique de devoir de dénoncer. Mm-hmm. Des fois, à certains moments, c'est bon, là, ça encourage à dénoncer, ça, c'est clair. Mais en même temps aussi, il faut se poser la question. Tu sais, des fois, il y a des femmes qui ne veulent juste pas dénoncer pour plusieurs raisons. Ne faut-il pas respecter leur choix? Puis sinon, si on dénonce à leur place en tant que témoin, est-ce que c'est pas une forme de paternalisme aussi, d'une certaine manière? Fait qu'il faut se poser ces questions-là. Puis des fois, le processus de dénonciation est super délicat. Là, on sait pas trop, si on était à leur place, peut-être qu'on saurait pas non plus si on veut dénoncer. Mm-hmm. Des fois, l'agresseur peut être dans la famille, peut être très, très proche dans le travail. Tu sais, des fois, il y a des zones pas tout à fait noires, des zones grises, de comportements inadéquats, mais qui sont un petit peu dans une zone pas tout à fait grise. Là, on le sait que c'est mal, mais tu sais, c'est pas... Des fois, ce qu'on appelle des commentaires de mon oncle, maintenant. Puis pas juste ça aussi, juste des fois, de la drague qui va trop loin, par exemple. L'insistance, un petit peu. Ouais, où ça flirte entre agression, harcèlement sexuel, puis quelque chose de juste mon oncle. Mm-hmm. Des fois, des zones grises aussi qui sont vraiment très difficiles à déterminer. Fait que ça, c'est des raisons défendables de ne pas vouloir dénoncer. D'autres bonnes raisons, à mon sens, c'est le fait que dénoncer, c'est un processus vraiment très, très épuisant au niveau psychologique. Mon ami me l'a bien relevé à ce niveau-là. Publier, par exemple, emmener dans la sphère publique le fait qu'il s'est passé une chose, une problématique, ça demande de l'énergie, il faut l'assumer, il faut répondre aux questions qu'on nous pose après, il faut faire face aux médias aussi des fois, dépendamment d'à quel point c'est intéressant pour le public, entre guillemets, là. Mm-hmm. Par exemple, si c'est relié au showbiz, c'est sûr que ça va passer dans les médias. Mais aussi, c'est sûr que si on veut judiciariser ça, ça passe par le processus vraiment éreintant que je viens de dire tant la dernière fois, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas évident. T'sais, des fois, il y a des personnes qui veulent garder le silence. Moi, j'encourage pas à garder le silence sur ces affaires-là, évidemment, là. Mais certaines personnes qui sont juste pas prêtes à dénoncer, qui veulent dénoncer dans quelques années, mm-hmm. qui veulent attendre de se renforcer un petit peu avant d'être capable d'aller de l'avant avec ça, des fois, je pense qu'il faut respecter la décision. Fait que ça, en tant que témoin, c'est bien de vraiment être interpellé par une situation. Mais je pense aussi la première chose à faire, c'est vraiment de passer par une discussion avec la personne, la victime en tant que telle. Je ouais. pense que c'est la base. Puis, parce que tu peux pas dénoncer quelqu'un en disant « bon, mais la victime est anonyme ». Pardon? Tu peux pas dénoncer quelqu'un en disant ben, « il y a une victime, mais je peux pas te dire c'est qui ». Ben, c'est ça, exactement. T'sais. Voilà. Mais, puis c'est ça. Parce que la solution facile de dire, t'sais. Telle personne, ouais. j'ai vu tel acte. La personne victime, je peux pas te le dire. Ben, ouais, exactement. C'est sûr que ça se sait à un moment donné, puis ça a juste pas de bon sens. Puis si tu dénonces de même sans dire c'est qui la victime, t'es crédible pour qui, tu sais. Peut-être ouais, juste ça. Un peu aux yeux de certaines personnes sur les médias sociaux, mais encore là, tu sais. C'est pas facile. Fait que voilà, tu sais, le droit de garder le silence, je pense, est important. C'est bien de dénoncer, ça, il faut tout le temps le rappeler, mais le droit de garder le silence doit être respecté, je pense. Puis des fois, la logique du MeToo, des fois, il faut pas aller trop loin avec ça. Puis des fois, il y a des personnes qui veulent garder le silence, puis tu sais, il faut respecter leur choix, aussi triste que cela puisse être. Mm-hmm. Il faut quand même, des fois, je pense, respecter ce choix-là. Tu te sens coupable parce que tu le sais, ça. Ben, c'est ça, aussi, mais... si tu es coupable, tu le sais, oui. Puis pour la victime aussi, si t'es juste pas capable d'en parler, t'es pas capable, là, ouais. c'est plate de même, mais puis c'est même comme si ça. Tu te sens coupable, de toute façon, dis-toi que tu te sens moins mal que la victime, probablement. Hein? Aussi. Mais si c'est son choix, tu sais, comment penses-tu pouvoir aider une victime si tu vois contre sa volonté à un moment ouais. donné? On peut pas donner de l'aide à quelqu'un quand l'aide est pas appréciée ou pas désirée. Là. À un moment donné, il faut arrêter avec cette logique-là. Des fois, c'est. Des fois aussi, c'est des zones grises, comme, mettons, la personne a peur un peu, puis là, on dénonce à sa place, puis là, finalement, ça va bien. T'sais, des fois, il y a des histoires mm-hmm. comme ça, mais il faut aller un petit peu avec le jugement, je pense, mais ça, c'est délicat. Le droit de silence, c'est quand même un argument fort, donc voilà, c'est ça que je voulais amener de l'avant pour commencer dans la chronique. Mm-hmm. Puis le reste, bon, on va vraiment entrer dans le vif du sujet qui s'est débattu un petit peu plus dans les médias. Mais ça, c'est un point super intéressant que je voulais relever. Ouais. Maintenant, le gros point là, dont beaucoup de choses vont découler, là, c'est qu'est-ce qu'une agression sexuelle exactement? c'est quoi la... Puis là, on a pas juste les agressions sexuelles. On a plein d'autres concepts qui sont venus avec le temps. On avait agression sexuelle et harcèlement sexuel qui étaient là à la base avant que ça arrive, ça c'est clair. Violence sexuelle aussi, on en parlait de temps en temps, mais c'est revenu beaucoup plus aujourd'hui. Mais c'est quoi la violence sexuelle exactement? On le sait pas trop parce que, oui, clairement qu'il y a de la violence physique. C'est pile-poil les agressions sexuelles puis les viols. Ça c'est correct, ça c'est clair, mais il y a aussi la violence sexuelle non verbale. Ça, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a de la violence sexuelle non verbale, comme du harcèlement. Mm-hmm. Mais t'sais, jusqu'où ça va la violence sexuelle? Est-ce que là, quand tu as un comportement un petit peu dérangeant au travail, est-ce que c'est de la violence sexuelle quand c'est non désiré? Mm-hmm. T'sais? Mais quand tu sors le zwiz. Ouais, quand tu sors le zwiz, mais juste quand tu fais, mettons, de la drague assez, pas agressive, mais entreprenante. Des commentaires sur la jupe de quelqu'un. Ou juste de la drague très entreprenante, mettons, des invitations à aller sortir au travail, par mm-hmm. exemple. Peut-être un peu plus, peut-être c'est peut-être un petit peu trop léger comme exemple, mais supposons qu'il y a beaucoup de compliments qui viennent avec ça, puis ouais. tout ça, des remarques sur le corps. Mettons, on va quelque chose comme ça. Quelqu'un fait des remarques sur le corps à propos d'une fille, puis il lui demande à sortir après. Mm-hmm. Mais ça, c'est complètement non désiré de la personne, par exemple. Puis mettons, supposons la fille est en couple en plus, puis elle veut vraiment ouais. pas ce genre de commentaires-là. Mais c'est non désiré, mais est-ce que c'est vraiment du harcèlement sexuel quand même? Tu sais, c'est une zone grise là, ici, là aussi. Est-ce que c'est de la violence sexuelle pour autant? Questionnement par rapport à ça. Tu sais, c'est vraiment difficile de savoir. Il faut tracer une ligne quelque part. Puis je trouve que dans un débat comme celui-là, il y a beaucoup, beaucoup de zones grises. Puis ça, on va y revenir encore. Parce qu'on en a déjà discuté à l'extérieur des ondes, Mathieu et quelques collègues et moi. Mais c'est un débat qui revient quand même beaucoup à certaines valeurs personnelles. Là. Ouais. On ne prend pas oui. tous les choses de la même façon. Ouais, ça, c'est clair. Des fois, je pense qu'il y a des jugements qui diffèrent à ce niveau-là. Qu'est-ce qui devrait être acceptable ou pas. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et on a déjà aussi amené le commentaire du consentement par rapport à ça. Si la personne te dit pas physiquement non à l'oral, mais qu'elle ne dit pas oui, est-ce que c'est par défaut un non? Moi, j'apportais le point que si la personne, si la fille dans ton exemple refuse à chaque fois, mais n'a pas spécifiquement dit genre non, sac-moi patience. Ça fait juste éviter le sujet. C'est ça. Ça vient au même parce que c'est un non, c'est pas un oui, non? Tout à fait. Mais même en général aussi, la notion de consentement verbal explicite là, revient. Certaines personnes défendent dès qu'on devrait avoir un consentement verbal explicite. Moi, je suis quand même d'accord pour dire qu'il faut éclaircir des fois la notion de consentement à certains égards. Mais aussi, je pense que ça passe par une sensibilisation, surtout des hommes, là, mais aussi de tout le monde en général, là, par rapport au tout ce qui est drague puis relations sexuelles. Parce que je pense que des fois, le consentement verbal explicite, c'est pas... Des fois, c'est pas suffisant. Des fois, il y a des gens. Votre honneur, puis-je toucher votre cuisse? Ouais. C'est ça. Même à ça, je pense que c'est un peu une sorte de règlement artificiel dans le sens où il y a des gens qui vont donner leur consentement verbal explicite. Mais dans le fond, en réalité, c'est pas vraiment désiré. Puis on peut avoir un consentement verbal explicite par la persuasion. Mm-hmm. On peut avoir un consentement verbal explicite par la peur, par plein de mécanismes. C'est vrai. D'après moi, c'est pas suffisant. Moi, ce que je pense que le plus important dans cette histoire-là, c'est vraiment que surtout les hommes, autrement dit. Ça inclut tout le monde, là, mais on parle des hommes. Évidemment, il y a des agressions sexuelles au niveau des hommes aussi, commis par des femmes ou par des hommes aussi, mais on va dire hommes, on va généraliser par hommes. Côté paternel, là, je sais qu'il faudrait faire l'écriture inclusive avec des parenthèses, des points, des virgules, des expressions. Ça devient lourd à l'oral. Ouais. Puis vu que la majorité des agressions sexuelles sont commises par des hommes, on va généraliser par hommes. De toute façon, c'est une règle qui se faisait certaine, moi, par exemple. Bon, qu'est-ce que tu penses? Mais combien de fois est-ce que... Tu sais, en tout cas, moi, je connais des filles où je pense qu'on a tous déjà vu des filles avoir quand même des gestes aussi mal placés que certains gars, dans des clubs, dans des bars. Mm-hmm. C'est juste que la différence, c'est que le gars va rire contrairement à la fille. Exactement. Ouais. Je suis d'accord. Non, c'est sûr que y a des comportements qui sont moins bons des femmes aussi. Ça, je suis vraiment très d'accord. Mais tu sais, c'est juste une question de sémantique puis de qu'est-ce qu'on fait avec la langue française à ce niveau-là. Je pense que c'est plus là l'une du problème. Mm-hmm. Je suis pas mal certain que la majorité des comportements répréhensibles sont commis par des hommes, ça, la majorité, au moins plus que, ben, au moins 50% plus un, là. Puis là, on pourrait généraliser avec le masculin, on pourrait pas y aller avec le masculin en porte nécessairement, mais en tout cas, dans l'ancien... Il faudrait y aller avec un genre tiers. Mais anciennement... Personne qui agresse. Ouais, mais anciennement, dans la langue française, ce qui était intéressant, c'est qu'on féminisait ou on masculinisait certains groupes selon que c'était les femmes qui faisaient la majorité ou les hommes qui faisaient la majorité. Moi, je vais aller avec cette règle-là, tiens. Ben, je trouve ça beaucoup plus logique de dire que s'il y a 99 femmes et un homme, on met ça au masculin. Ouais c'est exactement. On comprend. On s'entend. Ouais. C'est une règle intéressante en français. En tout cas, je vais utiliser celle-là pour... Ouais, mais c'est controversé. Ça, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut bien mettre des règles à quelque part. Ouais, hein? Ben, c'est ça. Ça va être mon éditorial de la chronique. Mais aussi, un autre truc, on avait parlé de violence sexuelle, mais un concept qui est revenu aussi et qui est encore plus vague, l'inconduite sexuelle. Mm-hmm. Oui, ça veut dire quoi, inconduite? Ben, c'est ça. Là, on a déjà parlé de violence sexuelle avec la drague un petit peu très trop entreprenante et non désirée. Mm-hmm. Est-ce que c'est de l'inconduite sexuelle, par exemple? Tu sais, c'est... Est-ce que l'inconduite sexuelle est comme ce qui englobe plusieurs comportements en même temps? Ben, c'est ça. C'est difficile de savoir c'est quoi inconduite sexuelle. Ça veut dire pas être correct dans ton comportement, non? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça veut dire la chasteté au travail? Tu sais, c'est quoi que ça veut dire exactement, inconduite sexuelle? Si ça veut dire plus que violence sexuelle, on s'entend. Si ça veut dire plus que ça, ben jusqu'où ça va l'inconduite sexuelle? Ça, c'est un gros point d'interrogation que je pourrais pas nécessairement répondre aujourd'hui, mais le point d'interrogation est là, puis il y a des problèmes qui sont reliés avec ça, évidemment. Donc voilà, ça c'est la notion des concepts qui sont un petit peu flous encore aujourd'hui puis qu'il faudrait bien définir. Puis évidemment, les définitions au niveau judiciaire ne sont pas suffisantes. Là, il y a des trucs qui sont vraiment répréhensibles, qui ne sont pas judiciarisés. Puis on s'entend qu'il faut en parler aussi. Donc on ne s'en tiendra pas aux définitions judiciaires. Là. On veut aller plus large puis au plus philosophique si on veut. Plus profond, tu dirais? Plus profond, c'est ça, exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est le problème général. Maintenant, quel problème concret ce flou-là peut emmener en société? Publication excessive par rapport aux effets sexuels, ça c'est, je pense, un des premiers trucs qui est intéressant à noter. Un cas intéressant qui est passé dans les médias, le cas de l'humoriste, j'espère le prononcer comme il faut, Aziz Ansari. Ouais. Aziz Ansari, qui, lui, c'est ça. Bon, t'en as entendu parler dans l'art. Oui, l'acteur de Parks and Recreation. Bon, ce qu'on lui reproche, c'est une femme qui s'est plainte sur Twitter de son comportement. Selon elle, il y aurait eu un premier rendez-vous entre ces deux personnes-là. Première date, bien normal, dans l'appartement de quelqu'un. Bon, puis là, ce qui arrive dans l'appartement, c'est que là, ils ont des relations sexuelles orales, clairement consenties à ce moment-là. Même selon la victime, la femme. C'est ça. Puis même après, ça a été consenti, de l'aveu de la victime aussi. Mais par contre, on va y venir, là. Mais là, tu sais, après le sexe oral, la personne se dit « Ouais, ça va peut-être un peu trop loin, je suis mal à l'aise, j'ai pas le goût d'aller plus loin que ça. » J'ai pas vraiment le goût. Fait que là, essaie d'en parler physiquement et verbalement, apparemment, avec Aziz. Uh-huh. Et puis, monsieur Ansari a apparemment insisté beaucoup pour avoir quand même la relation sexuelle. Et finalement, ça arrive. Puis l'humoriste dit lui-même que ça a été. Il n'y avait pas lieu de voir que ça n'arrêtait pas consenti. Puis bon, aussi la femme dit aussi que c'est consenti, mais que c'était un complet manque de jugement de sa part, puis que dans le fond, elle avait l'impression d'avoir affaire à un gars de 18 ans qui peut pas se retenir, là, tu sais, alors que lui, c'est un homme de 30 quelques années et tout ça. Puis bon. Comme si on lui devait cette relation-là à la fin. Ben, c'est ça, exactement. Bon. Ben, ça, c'est ça le truc. Puis moi, tu sais, je suis bien d'accord pour dire, OK, c'est un peu cheap de sa part, puis c'est pas bon, là, puis il aurait dû vraiment faire attention, puis c'est vraiment. Faut vraiment être à l'écoute de l'autre personne, puis c'est vraiment comme pas bien ce qu'il a fait, là. On va s'entendre là-dessus, c'est correct. Mais en même temps, c'est ça. Parce qu'il y a quand même des conséquences vraiment super importantes là, avec la publication sur Twitter de ça. Sa carrière est très compromise. Là. Au moins à court terme, c'est mort. Là. Puis, à court terme, oui. Mais il y a beaucoup de monde qui le défendent quand même là-dedans. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce que la femme a fait vient un petit peu comme nuire à la cause. Oui, mais il y a ça aussi qui se dit. Mais en plus, ce genre de truc-là, ça coûte de l'argent concrètement. Il y a des gens qui vont boycotter. L'humoriste, ça, c'est sûr. Ça coûte de l'argent. Sa réputation est atteinte pour un bon bout de temps. Plusieurs mois au moins, c'est sûr, il va être dans l'embarras pendant très longtemps, ça, c'est sûr. Puis psychologiquement aussi, ça atteint la personne, ça, c'est sûr. Mais évidemment, bon, c'est sûr, il a fait quelque chose qui semble pas correct, là, ça, c'est sûr. Il a été insistant à outrance. Il a été trop insistant. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, puis qu'on faut en parler dans le débat public. Mais c'est quelque chose qui arrive un petit peu plus fréquemment que violence sexuelle et autres. Mm-hmm. Être trop insistant, là, c'est quelque chose, il faut en parler dans les médias, partout, dans la sphère publique. Être trop insistant, il faut arrêter de faire ça. Puis c'est tout à fait normal. Mais quand même, c'est une zone grise. C'est pas quelque chose qui est judiciarisable, comme dans Harvey Weinstein, qui a fait de l'exhibitionnisme, des agressions sexuelles, du harcèlement, pis ci, pis ça. Bon, ça se met pas sur le même pied d'égalité. Puis est-ce qu'on doit vraiment comme amener ça dans la sphère publique aussi, tu sais? Ça, c'est une grosse question parce que c'est des conséquences quand même importantes. C'est clairement seulement là parce que c'est quelqu'un de connu, parce qu'en tant que tel, c'est des trucs qu'on entend fréquemment, ces histoires-là. Ouais, il y a des gens qui ont vraiment, comme tu dis, ont vraiment défendu beaucoup l'humoriste. Entre autres, une personne pour une journaliste du journal The Atlantic, Caitlin Flanagan, qui, elle, dit voyez-vous, elle n'a pas été acculée au mur, la fille. Donc, elle a fini par dire oui à la. Elle a fini par dire oui. C'était une relation consentante. Ça n'a pas été comme elle voulait. C'est dommage pour elle. Puis bon, il y aurait peut-être des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais tout cela étant dit, c'est consentant. Puis le fait de publier, d'écrire ça publiquement, c'est un peu comme une forme de. Selon les mots à elle, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais une forme de revenge porn. Là, où genre, la revenge porn où. Ça n'a pas marché, donc je prends je me venge finalement en sortant quelque chose. En publiant des trucs à caractère sexuel et compromettant sur Internet. Mais je pense pas que la comparaison peut vraiment se faire non plus. La revenge porn, c'est un exercice vraiment d'humiliation physique. Fait que c'est pas exactement la même affaire. La personne avait vraiment comme Ici, la... C'est un peu comme une vengeance psychologique, un peu. Ben, ça peut des fois avoir l'air d'une vengeance, mais il ne faut pas faire encore un procès d'intention ici, parce qu'on ne sait pas encore trop ce que la personne voulait faire. Puis elle voulait peut-être juste dénoncer quelque chose qu'elle trouvait inacceptable. Oui, mais c'est ça. C'est un comportement quand même répréhensible, comme tu l'as dit. Il faudrait que ça arrête, ces affaires-là. C'est ça. C'est un débat qui est intéressant, tout à fait, à 110%. Mais c'est ça, le fait d'en faire un grand scandale public, ça, c'est-tu excessif? Ça me semble pas qu'on en parle en ce moment, parce qu'il me semble que ça avait pas l'air d'être du calibre des autres histoires qui sont sorties. Exactement, c'est ça. Puis là, on se demande, à un moment donné, les conséquences que ça provoque contre l'agresseur sont peut-être... Est-ce qu'on est trop grandes par rapport à ce qu'il a fait, à un moment donné? Qu'il va y avoir des répercussions à ça, je me le demande, parce que c'est rare qu'on voit ça dans le contexte actuel. Il y a une journaliste sur la chaîne de nouvelles HLN aux États-Unis, Ashley Benfield, qui a fait un éditorial dans son émission là-dessus. Elle a dit, et ça se voit quand elle disait son monologue, mais elle a dit par après, j'avais peur, quand j'ai fait cet éditorial-là, j'avais peur de perdre ma job. Je me demandais si j'allais pouvoir faire mon émission le lendemain. Mais en ce moment, il y a de plus en plus de ces gens-là qui pop dans les médias pour soutenir, pas nécessairement soutenir Aziz Ansari en tant que tel, mais désoutenir l'accusation. Tout à fait. Dire, OK, c'était parfait, Aziz continue de même, force des gens à avoir des relations avec toi, c'est pas ça. C'est juste de dire, c'est allé trop loin, cette accusation spécifique-là. Oui. Ça me surprend. Ouais, ben c'est il y a quelques personnes qui sortent dans les médias puis qui vont faire ça effectivement. Ça m'amène aussi à un autre point que je pourrais peut-être sauter direct pour aller voir ça. Ben en fait, je suis rendu là. Ouais, et où ta feuille de papier avec des barbeaux Franchement, c'est rendu rendu important, il le fait à l'ordinateur. Ben, c'est ça. Ben, un PowerPoint pour nous autres quelque chose. Ben, je m'excuse. Dommage, mais bon, c'est ça. Juste avant de passer au point où je voulais que tu m'avais emmené, peut-être des mots sur certaines zones qui ont l'air grises, mais qui ne le sont pas, selon moi. Là, James Franco, par exemple. Ah non. Il y a des gens qui défendent James Franco, mais pour moi, c'est pas défendable, vraiment. Là. Au début, on en doutait un petit peu, mais plus les choses sortaient, plus c'était... Moi, j'ai pas trop suivi, honnêtement, à la suite de... Qu'est-ce qui est... nouvellement sorti. Bon, en fait, James Franco, il y avait deux choses qui ont retenu mon attention beaucoup. La première, c'est l'incident dans la voiture, là, où en fait, il était avec une fille et discutait comme ça. Et finalement, la fille se retourne, puis James Franco a sorti ses parties génitales. Sans jouer, c'est ça. Puis. Terme médical, dans ce cas-ci, on a le droit. Puis il a fini par lui pousser la tête pour avoir une relation sexuelle orale, même si la fille avait des réticences et lui a dit « on peut-tu faire ça plus tard? » Tu sais. Fait que c'est ça. C'est quand même quelque chose de vraiment... un manque de considération extrêmement grave. De considération d'avoir forcé sa tête sur son zouzi. C'est même un euphémisme, là. C'est clair. Là, c'est une agression sexuelle. C'est ça. Donc, clairement et très, très clairement. On voit un petit peu avec les dénonciations que Franco avait très peu de considération justement pour le consentement des femmes. Des fois aussi sollicitait des relations sexuelles avec des mineurs par texto aussi. Ça en revient à dire que c'est une question de pouvoir. Le gars est une vedette, avait le pouvoir de pouvoir demander d'avoir n'importe quoi. Peux-tu être mon sac gonflable sur mes parties? T'sais? Ben bon, c'est... Peux-tu être mon sac gonflable, ça je veux dire. Son sac gonflable, mais bon. Oh boy. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est bon dans le mouvement MeToo, dénoncer des affaires de même. Ça se défend pas. Même James Franco, ça se défend pas, ça c'est clair. Mais il y a des zones qui sont vraiment comme... qui semblent excessives. Dans le cas de Ansari, ça semble clair, là. La monnaie ça dans le public, ça va peut-être un peu trop loin. Mais le débat est bon. Mais dénoncer publiquement cette personne-là dans un contexte de dénonciation polarisant comme ça, tu sais, j'ai un doute, je suis pas certain. Ouais. Fait que c'est ça. Puis effectivement, il y a des gens qui ont défendu les agresseurs à certaines occasions. Certaines personnes qui ont eu des agressions un peu plus... Des allégations un peu plus sévères. Par exemple, Jeremy Piven. On a moins entendu parler, lui, on dirait. Pourtant, c'est quand même une grosse vedette dans Entourage, mais on dirait que ça a moins fait parler. Tout à fait. Mais lui, c'est des accusations d'abus de pouvoir et d'abus sexuels. Là. C'est vraiment plus à la Weinstein que, par exemple, l'humoriste Aziz, je sais pas trop. Ben, ouais, tel quel Ansari, c'est ça, voilà. Aziz. Donc voilà. Mais il y a des gens qui l'ont défendu, même lui, dans le sens où, où est la présomption d'innocence, par exemple. Oui, on l'entend souvent, ça. Ouais. Hein? Moi, surtout quand il y a plusieurs dizaines de personnes qui sortent contre une personne. C'est ça. Ouais, mais tu sais... Ouais. Hein? Mais fils du doute. C'est ça. Ouais, mais c'est tu sais, moi je suis d'accord pour la dénonciation publique de ces affaires-là. Puis je trouve que, comme j'ai dit au début, ça permet de contourner certains trucs qui marchent pas au niveau judiciaire. Donc, des fois, je pense que faire justice soi-même, c'est quand même justifié à certains égards quand il n'y a aucune justice au niveau judiciaire de toute manière. Mm-hmm. Fait que ça, je pense que c'est important. Par contre, c'est sûr que ça amène certaines questions par rapport à ce qu'on fait concrètement quand il y a une dénonciation publique. Est-ce qu'on doit vraiment commencer à enterrer la personne, vraiment comme la mettre à terre tout de suite, sans même vérifier les faits? Il y a une personne, entre autres, je pense que c'était Jeremy Piven aussi, justement. Il a été accusé de quelque chose, de juste une seule personne, pour un incident qui remonte à 1981. Fait que là, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu sais, le fait que ça arrive il y a très longtemps, ça enlève pas de la crédibilité à la victime. L'acte a comme été fait, que soit il y a. Oui. Ouais. Mais c'est quand même juste. Mais c'est pas comme Weinstein, tu sais, même s'il y a de la dénonciation de tout part, tout côté contre Weinstein, là, on peut l'enlever de la sphère publique, puis enlever sa job facile, là. Ça, c'est. Il ouais. y a aucune controverse. Mais est-ce qu'on doit vraiment comme retirer toute est-ce qu'on doit vraiment tout enlever la carrière de Jeremy Piven pour une allégation, d'une seule personne, pour un incident qui remonte à il y a 30 ans et plus? Il faut se poser la question un peu. Je pense qu'il faut, quand il y a des situations comme ça qui arrivent, il faut mettre ça sur pause. Il faut mettre la carrière de la personne sur pause. On peut pas vraiment. Il faut étudier sérieusement. Il y en a qui vont pouvoir revenir là-dedans, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps aussi, faut pas nécessairement comme tuer la carrière de la personne tout de suite. Mais c'est sûr que quand il y a une allégation qui se passe comme ça, là, il faut se poser des questions. Mm-hmm. Prendre le temps de t'sais, comme. Mais je peux comprendre, mettons, qu'un réseau de télé ou une boîte de cinéma, de cinématographie ou peu importe, veulent pas être associés à ça, même si ça vient de sortir et qu'il y a juste une petite affaire. C'est sûr que tu veux peut-être pas que ton animateur principal de l'émission du matin aux États-Unis, Matt Lauer, mettons, anime ton talk show du matin alors qu'il y a des allégations. Même s'ils sont pas vrais, tu veux pas être associé à ça, c'est normal. Typiquement, je pense que la suspension est très justifiée, mais ça, la mise à pied, par exemple, à un moment donné, là, est-ce que c'est justifiable tout le temps? Ça dépend des clauses dans les contrats, comme celui de Matt Lauer, c'était, il y avait une clause de comportement, puis ils ont pu l'utiliser, puis ils ont pu le sacrer dehors, son contrat est brisé. Ouais. Si l'image publique est super importante, probablement qu'il va devoir être mis à pied, mais des fois, quand ça l'est un peu moins, puis là, on n'a pas encore de certitude à l'effet qu'il est coupable et tout ça, à un moment donné, est-ce qu'on doit vraiment comme... Parce que des erreurs dans le mouvement MeToo, il va en avoir, là, des gens qui veulent faire... qui ont exagéré un peu les faits ou tout ça, on veut pas douter des victimes, puis je le sais que le hashtag on vous croit est important. C'est ça, mais justement, faut pas aller au-delà de dire en disant on croit tout le monde, peu importe. C'est ça. Puis il y a beaucoup de féministes qui se sont défendus de défendre ça aussi. Puis ça, je pense que c'est important de le relever. Mais tu sais, c'est ça, il faut pas se mettre à prendre tout ça pour du cash, puis vraiment comme faire mis dehors automatique. À un moment donné, tu sais, il faut prendre une pause, il faut prendre ça sérieusement, puis faire des suspensions s'il le faut, par exemple, des trucs comme ça, puis des dénonciations en bonne et due forme, c'est déjà très grave, mais à un moment donné, tu sais, il faut aussi prendre ça, certains trucs en considération, puis faire attention un petit peu à ce qu'on fait, puis pas se mettre à faire un exercice de public shaming, puis d'exécution publique, si on veut, automatique, là. Lynchage, comme on appelle souvent. Faut pas aller tout le temps. C'est ça. Faut pas aller tout le temps. Il faut faire attention. C'est juste ça que je veux dire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis qu'il faut faire attention. C'est plus ça. Puis, tu sais, la notion d'innocence jusqu'à preuve du contraire est importante aussi. Je pense qu'il y a certaines actions qui peuvent être faites immédiatement après une allégation, mais on peut pas tout faire immédiatement après une allégation, comme la mise à pied, comme j'ai dit. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais la difficulté aussi avec tout ce qui est hashtag MeToo puis tout ça, c'est comme tu viens de le dire, il y a quand même le terme innocent jusqu'à la preuve du contraire. chose qui est quand même assez difficile à faire quand tu dis le nom de la personne un peu partout. Mm-hmm. Puis, tu sais, encore plus quand la personne est connue du public. Je pense, entre autres, mettons, mm-hmm. à James Franco ou peu importe. Là, tu sais, il y a beaucoup de choses qui s'avèrent être quand même, tu n'es pas innocent jusqu'à la preuve du contraire. Ouais. Sauf que parfois, ça arrive pareil que quelqu'un va dire quelque chose extrêmement rapidement, puis ça s'avère à être... pas, je veux pas dire complètement pas rien, faux, c'est ça, mais ouais. tu sais, c'est pas rien. C'est, je veux dire, la personne après a fait quoi? T'as carrément mis une étiquette sur le nom de la personne, puis c'est pas une étiquette qui s'enlève facilement. Puis autant que c'est difficile mm-hmm. à prouver, autant que c'est difficile à déprouver ben pour la personne qui a été. Tu sais, comment accusée? Tu veux vivre avec le fait que tu t'es fait étiqueter comme ça, si par exemple la personne était juste, elle a décidé de tout simplement pas le faire parce qu'elle tentait mm-hmm. pas ou peu importe, mais que le lendemain tu réalises que partout, selon ses valeurs à elle, ce que t'as fait c'est de l'inconduite sexuelle, t'es tagué avec de l'inconduite sexuelle pendant un bout, là. Good job, t'as trouvé une job. Ben oui, c'est sûr. C'est ça, mettons que t'es James Franco justement, mettons que tu l'as pas fait, mettons, oui. mm-hmm. je sais pas, comment tu fais pour le prouver? C'est ça. Tu sais, oui, t'es innocent jusqu'à la preuve du contraire, ouais. mais ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à prouver, justement. Mm. Quand même bien pour que ce soit l'acte au niveau du viol. T'sais, on le disait tout à l'heure, tu peux pas... c'est pas après chaque relation sexuelle que tu vas te prendre... tu vas te prendre des photos de toi, de savoir de quoi t'as l'air, puis savoir s'il y a eu une inconduite sexuelle ou quoi que ce soit. Mm. Puis même chose du côté du gars. Tu sais, comment est-ce que tu veux arriver à prouver que la personne dans sa tête ou elle t'a dit oui? Mm-hmm. Tu sais, c'est quelque chose qui est tellement difficile. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Puis ça amène aussi la question à savoir, tu sais, en tant que public qui voyons ce qui se passe, les dénonciations, toujours prendre un petit peu un certain recul. Il mm-hmm. Y a des gens qui ont vraiment qui montent au barricade vraiment très, très rapidement pour des allégations. Fait que oui, il faut prendre ça au sérieux. Oui, il faut se méfier de ceux qui sont accusés. Toujours, ça c'est très important. Mais de là à condamner puis les traiter de tous les noms tout de suite, puis vraiment les étiqueter comme tels, agresseurs, tu sais, il y a comme une marge entre mm-hmm. les deux. Là. Donc il faut faire attention, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Puis j'ai comme l'impression des fois aussi que ça excuse absolument pas, par exemple, quelqu'un qui va violer quelqu'un d'autre, mais dans un terme, par exemple, d'inconduite sexuelle, si on prend, par exemple, deux personnes qui, à la base, sont consentantes, comme l'histoire que tu as racontée tout à l'heure, puis à un moment donné, tu te dis, oh non, hein, ça me tente plus, je pense que demain matin, je vais le regretter si je fais ça ou peu importe, il y a quand même quelque chose de biologique et d'anatomique qui se passe au niveau du cerveau, qui se passe au niveau de ton corps. Tu sais, je veux dire, ça excuse rien, sauf qu'il y a des sécrétions neurologiques qui sont sécrétées pendant une relation sexuelle. Si tu commences puis tu décides d'arrêter, là, c'est, tu sais, je veux dire, neurologiquement, c'est pas quelque chose qui s'arrête comme tu te dis « arrête », là. Mm-hmm. Oui, mais il y a d'autres façons de finir que de finir en insistant sur ça. Non, mais c'est ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, tu t'arrêtes. Mm-hmm. Sauf qu'il y a quand même quelque chose qui se passe de façon biologique ouais. à l'intérieur d'un corps lors d'une relation sexuelle. Mm-hmm. Mm-hmm. Je pense que ça amène la question que... je trouve que c'est sûr qu'on peut quand même exiger d'une personne qu'elle arrête une relation mm-hmm, sexuelle. Tout à fait. Mais reconnaître la difficulté de la chose, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être très, très louable. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu sais, des fois, on peut considérer une personne comme horrible parce qu'elle n'a pas arrêté au bon moment, par exemple. Mm-hmm. Mais tu sais, à un moment donné, il faut quand même un petit peu prendre un certain recul par rapport à ça et considérer des choses comme ça. Tout à fait, la difficulté de la chose, ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne attitude en général dans ces cas-là où, parce que souvent, ce qui arrive dans ce débat-là, ça va faire partie de ma conclusion d'ailleurs, forme de polarisation. Mm-hmm. T'es soit d'un camp, soit de l'autre, tout le temps, puis c'est souvent ça dans les débats publics. Ça, c'est vraiment très néfaste. C'est un débat tout en nuances, où il faut vraiment comme... Je pense que c'est un travail de réconciliation entre les gens. Et on ne peut pas se mettre à partir en guerre contre tout le monde. C'est la pire des attitudes dans un débat comme celui-là. Donc, je vais revenir dans ma conclusion, mais effectivement, il faut absolument condamner ce genre de façon de faire. Flou d'agression sexuelle. Parce que là, bon, des fois, ça va trop loin, la dénonciation. Ça, j'en ai mm-hmm. parlé. Maintenant, le mouvement MeToo, est-ce qu'il va pas trop loin à certains égards? Mm-hmm. En France, il y a eu de la controverse par rapport à ça. Il y a des gens qui sont mal à l'aise par rapport au mouvement en tant que tel. Ça, c'est une attitude très française, là, parce que ça, en France, il faut mettre ça en contexte. Là, le flirt, c'est une manière de socialiser presque là-bas. Là, ouais. Même les gens en couple flirtent avec d'autres comme ça, juste pour faire connaissance, des fois. Je trouve des fois ça peut être un peu lourd. Là. En tout cas, c'est sûr qu'en tant que Québécois, tu peux aller en France puis voir ça un petit peu se passer. Puis c'est clair que ça peut être un petit peu... opprimant, j'ai l'impression, cette culture-là du flirt puis de la drague assez agressive en France, là. Mais c'est dans les mœurs, en tout cas, apparemment, là-bas. Mais bon, à tort ou à raison. Mais là-bas, en tout cas, en France, il y a un malaise par rapport au mouvement MeToo. Certains accusent le mouvement MeToo de puritanisme. Ça, c'est intéressant. Puis là, il y a des gens dans ce mouvement-là anti-MeToo qui vont du puritanisme, mais qui font des liens aussi avec la chrétienté. Voyez-vous, on dramatise beaucoup trop l'acte sexuel puis tout ce qui est autour de la sexualité. Puis là, à un moment donné, il faut arrêter de dramatiser tout ça. Là, on est sorti de l'ère chrétienne. À un moment donné, c'est pas si pire que ça. Bon, je sais pas. Dans la majorité des cas, clairement, qu'il y a quelque chose à dénoncer. Là. Même dans le cas de l'humoriste Aziz, je pense qu'il y a, il y a vraiment quelque chose à dénoncer aussi, puis à discuter. Ouais. Mais c'est clair que en faire une dénonciation publique, puis partir en guerre contre l'humoriste, à un moment donné, tu sais, une relation sexuelle qui était consentie, mais que finalement que qu'on aurait préféré ne pas faire là, au départ. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile puis qui devrait être évité le plus possible, évidemment. Puis c'est pour ça qu'il faut de l'écoute de la part des deux parties. Mais est-ce que ça doit vraiment nécessairement briser la carte de quelqu'un? Je pense que ça fait peut-être partie effectivement d'une sorte de puritanisme où l'acte sexuel est vraiment considéré comme quelque chose de très, très, très grave, très, très, très important, très, très, très symbolique. C'est tout à fait chrétien, effectivement. Si on regarde dans l'histoire, l'Antiquité grecque et romaine, la sexualité était très, très... peut-être pas banalisée, là, mais il y avait beaucoup de polygamie, puis des relations sexuelles, c'était courant, c'était partie des mœurs sociales entre hommes et esclaves, entre hommes et femmes, des fois même entre femmes. Il n'y avait pas nécessairement de tabou par rapport à ça non plus. Fait qu'effectivement, le sort de tabou puis de sorte de dramatisation de l'acte sexuel est quand même quelque chose de chrétien, mais moi je trouve qu'il faut nuancer tout le temps ce point de vue-là. Effectivement, il y a peut-être quelque chose à aller chercher à ce niveau-là, mais c'est sûr que ça ne devrait pas nous empêcher de parler de ces problèmes-là. Puis quand le consentement n'est pas tout à fait respecté, je pense que c'est important d'en parler puis de trouver vraiment, de mettre une limite justement à l'inconduite sexuelle. C'est un débat qui est important, puis je pense pas qu'il faut faire comme les gens en France puis vraiment comme critiquer le mouvement au sens large, mais il y a des questions intéressantes qui sont relevées par eux quand même. Donc ça je relève ça. Un exemple de ce qu'ils veulent dire que moi j'ai trouvé récemment, je sais pas s'il y a eu ça passé dans les réseaux sociaux, mais il y a des articles, entre autres dans The Guardian, qui ont critiqué la série Friends, parce qu'elle est sortie sur Netflix récemment, et des gens qui l'ont revue puis qui se sont dit bah waouh, c'est vraiment rétrograde ce truc là finalement. Puis ça, la critique a été la même chose pour d'autres séries comme The Office par exemple. Exemple de trucs qui se retrouvent dans la série, des blagues à caractère un petit peu homophobe. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu, c'est de son temps, c'est des années 90 aussi, mais tu sais, il faut mettre ça un petit peu en perspective. C'est une des premières séries, une des premiers trucs culturels à parler d'homosexualité, de transsexualité, de trucs comme ça. Puis ça, c'est aussi des messages progressifs, là. C'est pas une série homophobe non plus, là. Au contraire, c'est une ouverture sur l'homosexualité dans cette série-là. Mais bon, il y a des trucs qui sont maladroits aussi, mais se mettre à condamner tout ça pour ça, à un moment donné, c'est un peu puritain aussi, effectivement. Je trouve que là, il faut faire attention avec ces affaires-là. Mais c'est bien de dénoncer puis de trouver qu'il y a des trucs qui se feront plus aujourd'hui. Bon, c'est correct, là. Mais se mettre à dire que Friends, c'est du caca puis c'est de poubelle, là. Ouais. À un moment donné, tu sais, il faut comme... Il faut relativiser un petit peu. Ouais, il ne faut pas mettre... Tu sais, je veux dire, comme je l'ai dit à un moment donné, Martin Heidegger, un philosophe, était nazi à la base, là. Oui, il était nazi, puis il a écrit des choses nazies. Est-ce que c'est parce qu'il a écrit des choses nazies qu'on doit pas regarder de sa philosophie? Non. Puis même chose pour Aristote, qui était esclavagiste, Platon, qui était esclavagiste, les gens, Voltaire, qui était antisémite, etc., etc. Donc là, à un moment donné, tu sais, il faut faire la part des choses. Ça, c'est une chose. Puis bon, je sais que je prends beaucoup en de temps. En conclusion, là. Dernière chose. Méfiance aussi envers les hommes, je pense. Il y a beaucoup d'articles qui se sont faits qui disent, entre autres, si vous faites une agression, si vous pensez que vous avez rien à vous reprocher en tant que ben, c'est en fait que vous avez tort, que vous avez quelque chose à vous reprocher. Des articles de même vraiment agressifs qui sont entre autres dans The Guardian, des articles « La place de l'homme est à la maison », tout ça. des trucs de même. Anne-France Goldwater, tout le monde en parle, qui dit que les hommes sont des petits morceaux, puis tout ça. Tu sais, des discours que les femmes font, mais tu sais, par exemple, la place d'un homme est à la maison. Imaginez un homme qui dit la place des femmes est à la maison. Ça se dit pas aujourd'hui. Mm-hmm. Puis les femmes sont des petits morceaux de viande, ça se dit pas non plus. Puis je trouve une sorte de... Il y a des masculinistes qui disent qu'il y a une sorte d'inversion d'oppression des hommes. Bon, c'est sûr que là, il y a quand même un déséquilibre en faveur des hommes, encore malheureusement. Il ne faut quand même pas négliger ça. Mais bon, il y a quand même certaines choses qui se font qui commencent à être très questionnables. Donc voilà, c'est ça. Donc il y a une méfiance montante. Puis ça, je pense que ça vient de la notion de polarisation qui se fait dans la société. On est soit du côté des victimes ou contre les agresseurs, ou encore on défend les agresseurs, puis on est masculiniste, masochiste et tout. Ben, pas masochiste, mais machiste. Puis à un moment donné, faut passer outre ça, puis regarder dans les nuances, puis arriver à se réconcilier sur certaines choses, puis poser des vraies questions, par exemple, comme c'est quoi l'inconduite sexuelle. Mm-hmm. Voilà, c'est vraiment ça mon conclusion. Exactement. Bien dit. Jimmy Thibodeau, on te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique Gauche avait vu. Voilà. Merci beaucoup. On termine l'émission là-dessus. On a pris beaucoup de retard avec la météo aujourd'hui, désolé. En passant, on a remplacé un petit peu les premières minutes d'une émission qui n'aura pas lieu aujourd'hui. Exactement. Sachez que l'émission C'est Full Sexe ne sera pas avec nous à partir de 10h, donc c'est pour ça qu'on pouvait se le permettre un petit peu. Sinon, merci à Marc-Olivier Dumas pour la chronique Sport et Filoché. Justine Renaud. Mm-hmm. Merci à Dominique Notte-Mavungu pour Voix d'Afrique. Et Jimmy Thibodeau. Pour Gauche à Bévue. Merci Tania Baudin. Merci à toi Mathieu Plante. On se reprendra pour ta chronique demain. Hein? Ben oui, certainement. C'est bon. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, restez là pour Rock de Neuron qui s'en vient à partir de midi. Ensuite, C'est dans ta face sera en direct à 15h, Les pas sortables à 16h. Et puis à 19h, Réanimation et 21h, Matière noire. On se quitte là-dessus. On se retrouve demain entre 7h et 10h. Manquez pas ça demain parce qu'on va avoir une très bonne émission avec Sébastien Viartin, David Ferron, Gabriel Béhoud potentiellement. Mm-hmm. Et Alex Marchand, c'est le plan de l'émission de demain à partir de 7h. Bonne journée! Hey, bon café tout le monde! Bye!